Précédemment dans Wotaku. Je pensais que cet 5e épisode de Wotaku serait mon dernier épisode, effectivement. Donc, bienvenue Circle dans Wotaku. J'ai envie de te demander, Circle, est-ce que tu suis ? Voilà, c'est tout. Pour la partie histoire de cette émission-ci, on va s'intéresser à la guerre des trois marteaux. Il y a un proverbe qui dit qu'un crétin s'éteint, un volcan s'éveille. Joli. avec un sort, il fait ah, ça explose, enfin. Au milieu d'une ville, bah tu pouvais te taper péter, parce que les mecs ils disaient ah oh, c'est un no-life, il a pas de vie, il a pas de femme, il a pas de boulot. Et on va l'appeler ben Redon. C'est mieux. Voilà, c'est entre Red et Adon. Yadon. Pour notre première chronique Redon, je vais vous parler des sites et des add-ons qui rendent la gestion des raids plus facile. Il a beaucoup de défauts, il est conservateur, il est misogyne, il est réactionnaire, il est anti-homo, et il est fan de George Bush. Bonjour et bienvenue pour ce 6e épisode de Wotaku. Alors avec moi, j'ai Amandine. Salut Amandine. Salut Circle. Et Ludo. Salut Ludo. Salut Circle. Bon, on va se lancer tout de suite dans le sommaire. Alors pour commencer, nous allons retrouver Circle avec l'histoire du mois. Alors, puisque c'est une première pour lui, il essaie de vous faire quelque chose de RP en quelque sorte, on va dire, c'est ça ? Alors oui, ben j'ai essayé de faire un peu différent que Brock, parce qu'il faut lui laisser ce qu'il a fait. Il le faisait très bien et je ne me sentais pas de refaire exactement la même chose, donc j'ai essayé de rajouter ma petite touche RP, donc vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, d'après ce que j'ai compris, il y aura l'instant souvenir. Donc Ludo, tu nous parleras de Marodon, c'est bien ça ? Exactement. De Marodon, en continuant les instances qui ne plaisent à personne. Ensuite, ce sera donc la partie pierre de foyer, où là, on a pas mal de choses à vous raconter. On aura également une petite surprise dans la pierre de foyer. Ensuite, nous passerons à un invité, qui est Denishkar. Donc Denishkar va venir nous parler du Theorycraft. Donc là, ce sera plutôt pour la partie raid et haut niveau. Ensuite, nous aurons Amandine qui nous parlera d'un site internet qui s'appelle Bimba. Donc là, encore une fois, c'est pour les hauts niveaux. Et pour finir, ce sera nos coups de cœur du mois. Et là, on vous parlera un peu de ce qu'on a aimé, également du festival du jeu vidéo, parce qu'on y était avec Circle. Et voilà, donc ouais, également deux, trois petites surprises là-dedans. Et ensuite, ce sera le traditionnel bêtisier, comme vous l'aimez si bien. Et voilà, je pense que ça fait un sacré bon programme pour l'épisode 6. Et on se lance tout de suite dans l'histoire de Neltharion. Alors, pour ce mois-ci, je vous fais la chronique histoire. Je vous laisse découvrir. C'est parti. Neltharion. Nous allons remonter dans le temps, loin à l'aube de notre monde, il y a plus de 64 000 ans. À la création du monde, les titans bénirent cinq grands dragons. Alexstrasza, la porteuse de vie, Maligos, le tisseur de sorts, Isera, la rêveuse, Nosdormu, l'éternel, et Neltharion, le gardien. Voici l'histoire de Neltharion. En tant que gardien de la terre et béni par Khazgoroth, Neltharion fut respecté et aimé en temps de paix. Il vivait avec sa compagne Sintaria et ils eurent deux enfants. Mais il sombra peu à peu dans la folie, le conduisant irrémédiablement au mal. Les dieux anciens, auparavant emprisonnés par les titans, trouvèrent en lui le moyen de se libérer. Ils lui proposèrent de créer un artefact qui lui permettrait de combattre la Légion, mais surtout de devenir immensément puissant, l'âme des dragons. Il s'exécuta et créa l'artefact sous la forme d'un disque lumineux, capable d'anéantir les démons. Pour cela, il avait besoin de convaincre les quatre autres dragons afin de prêter leur pouvoir à l'objet. Il réussit à les convaincre. Maligos fut le premier à donner de son pouvoir. Les autres lui succédèrent. Puis, ils se rendirent à Zin Ashari. Là, un combat faisait rage entre l'Alliance des Elfes et la Légion. Tous se croyèrent sauvés en voyant le ciel s'assombrir de dragons. Mais Neltharion alors lança une seule attaque fulgurante avec l'âme des dragons et détruisit toute la Légion. Mais malheureusement, il tua aussi énormément d'elfes de l'Alliance dans son attaque. Neltharion avait enfin révélé sa traîtrise. Lui n'avait pas donné son pouvoir à l'artefact, ce qui en faisait le seul capable de l'utiliser. Les autres dragons ont voulu l'arrêter, mais d'une simple attaque, il tua tout le vol draconique bleu de Maligos. Puis il lança une seconde attaque qui paralysa tous les autres aspects. L'âme des dragons, malheureusement, rongeait Neltharion. Son corps se craquelait et ruisselait de lave, son cœur en fusion apparut. À ce moment-là, il avait succombé à la tentation des dieux anciens. Neltharion n'était plus. Eldemort, le destructeur, était né. Et l'âme des dragons fut ainsi renommée l'âme des démons. Les grands dragons projetés par le pouvoir de l'âme des démons se cachèrent et scellèrent leur âme afin de ne pas être retrouvés. Mais Eldemort avait bien entendu été manipulé. Les dieux anciens ne voulaient pas créer seulement un objet capable de détruire la Légion. Ils voulaient créer un objet capable de ramener sur Terre le titan démoniaque Sargeras, ce qui leur permettrait d'être enfin libérés. Mais malheureusement, un elfe du nom de Malfurion Hurlerage vola l'artefact avec l'aide des quatre autres aspects dragons. Et ils le scellèrent afin qu'Eldemort ne puisse plus le trouver. Eldemort, alors enragé, détruisit tout et profita de l'implosion du puits d'éternité, ce qui changea considérablement la face de Kalimdor. 10 000 ans plus tard, lors de la Seconde Guerre, il se fit battre par les mages de Dalaran, mais loin d'être mort, il le fit croire en s'effondrant dans la mer. Mais bien intelligent qu'il était, il se changea en humain et revint sous le nom de Lord Daval Prestor, afin de s'infiltrer dans l'Alliance en revendiquant le titre de roi d'Alterac. Et grâce à son pouvoir de contrôle mental, il gagna l'admiration et la confiance de familles importantes comme les Menethil, les Port-Vaillant, ainsi que Jaine Greyman de Gineas. Il en profita pour tenter de s'établir en Draenor, en aidant la Horde afin de renouveler son vol noir. Il fut encore une fois attaqué par l'Alliance et défait. Mais encore une fois, il ne mourut pas, et il revint sous l'aspect de Lord Prestor. Durant la guerre, Eldemort sut où se trouvait l'âme des démons. Il se servit d'un clan orc, les Gueules de Dragon, pour le chercher. Il envoya un gobelin du nom de Kryll afin de contrôler mentalement les chefs du clan, dont un certain Zuluhed le Fourbu. Le clan utilisa l'âme des démons pour capturer Alexstrasza et son consort, et les forcèrent à se reproduire. Il contrôla ensuite un mage puissant et rebelle du Kirin Tor, Ronin, et s'en servit pour essayer de capturer Alexstrasza ou la tuer, mais surtout pour attraper ses œufs et ainsi créer un nouveau vol noir. Mais un amant de la reine dragon, Coriastraz, plus connu sous le nom de Crasus, contrôlait aussi le mage afin de libérer sa bien-aimée. Faisant croire par l'intermédiaire de Kryll que l'Alliance allait attaquer le camp orc gueule de dragon, il les convainc de transférer la reine dragon afin de pouvoir l'attaquer plus aisément. Mais Ronin trouva le moyen de détruire l'âme des démons, qui était celui d'utiliser une écaille d'Eldemort. Ronin détruisit l'artefact maudit, ce qui rendit tout leur pouvoir aux quatre autres grands aspects, qui s'empressèrent de pourchasser Eldemort. Celui-ci se cacha mais ne put se déguiser en Lord Prestor désormais. Ainsi, son contrôle mental sur les nobles de l'Alliance disparut. Mais les seuls à avoir tout découvert sur la supercherie furent Crasus et certainement Alexstrasza. Depuis, Safia Onyxia essaya de reprendre le flambeau en se faisant passer pour Katrana Prestor à Hurlevent, sans grand succès. Et Nefarian essaya de contrôler le monde depuis son repère de l'aile noire, sans grand succès non plus. Des rumeurs disent qu'il se cacherait sous Grim Battle, continuant ses expériences sans fin, afin de créer une nouvelle race de dragons puissants. Mais viendra le temps où il ressurgira de son antre. Le feu et le sang s'abattront à nouveau sur notre monde. Alors, nous reprendrons les armes, nous honorerons les actes de nos ancêtres et partirons nous battre. De vaillants héros de la Horde et de l'Alliance se presseront aux portes de son repaire. Dans un monde dévasté, nous nous lèverons afin de faire face à l'ennemi. Comme un seul homme, nous lèverons nos armes et les brandirons en direction du mal. Armés de courage, nous ferons tout pour ne pas laisser les ténèbres nous envahir. Et avec de puissants alliés, nous ferons pleuvoir notre courroux sur cet ennemi encore plus puissant qu'auparavant. Le sang se répandra encore, mais enfin que notre descendance puisse encore lever les yeux vers le ciel. Nous nous battrons, nous déchaînerons les passions et nous ferons taire à jamais les murmures démoniaques. Et nous apporterons enfin la paix. Donc comme vous venez de l'entendre, on a essayé un peu d'innover ce mois-ci en faisant quelque chose de d'un peu plus RP en quelque sorte pour la chronique histoire, parce que bon, vu que Brock avait l'habitude de faire sa version, donc là Circle a essayé de faire un peu sa version. Donc dites-nous ce que vous en pensez, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, voilà, n'hésitez pas. Puis bon, en même temps, vu que Cataclysme a été annoncé, on pensait que c'était bien de parler d'Alterion pour rafraîchir un peu les mémoires, et je pense qu'on va entendre parler de plus en plus dans les mois qui vont arriver. Voilà, tout à fait. À savoir que Blizzard a quand même annoncé que Cataclysme serait perçu comme la plus grosse extension depuis le départ. Peut-être pas en termes de leveling, mais en termes de changement et d'apport. Tout contenu, ouais. Voilà, de contenu. Bah, on les croit volontiers quand on apprend qu'il y a déjà des caractéristiques qui vont disparaître. Ça va être historique, c'est la première fois que des caractéristiques sont enlevées au lieu d'être ajoutées, comme la résilience par exemple. C'est vrai, ouais, exactement. C'est vrai que c'est la première fois qu'ils font machine arrière quand même. Enfin, ouais. À mon avis, de leur point de vue, ils font pas machine arrière, mais ça va être une sacrée refonte. Voilà, ouais. Parce qu'ils font quand même machine avant sur beaucoup de choses. Donc, Nectarion, par rapport à donc, ce qui est dit dans la petite chronique, donc, se cache et va donc. Refaire surface. Alors on ne sait pas tout à fait comment ça va se passer vu que tout le monde Azeroth et Kalimdor vont être saccagés à nouveau. Alors on ne sait pas vraiment encore si les royaumes de l'Est vont être saccagés, parce que si vous regardez bien la vidéo, le teaser en fait qu'ils ont fait, ils montrent que Kalimdor. Il y a aucune zone. Enfin, ils montrent aucune zone des royaumes de l'Est. C'est vrai. J'ai pas prêté attention à ça. Monsieur. Bon, il montre quand même que le côté où il est à l'heure actuelle, donc il serait à Grim Battle, va aussi changer quand même. L'endroit, à mon avis, va changer. Il y aurait une nouvelle zone. Ils ont montré la nouvelle carte où son repère serait, se situerait. Et je pense que quand même, ça va changer deux, trois choses au niveau de la zone. Par contre, je pense qu'ils sont aussi en train de travailler énormément sur toutes les zones. Pourquoi ? Parce que on va pouvoir voler dans l'ancien monde, quoi. Ouais, ça, rien que le boulot qu'ils doivent avoir pour ça. Et en plus, parce qu'ils ont toujours dit que non, ce serait pas possible de voler dans les anciennes zones, et ils ont toujours été fermes là-dessus. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'un coup d'avoir son gueule. Bon, c'est sûr, on est super content, mais ça fait quand même bizarre de le voir revenir comme ça en arrière. C'est vrai que ça va être très étrange. Ça fait bizarre d'aller dans certains endroits ou de voir certains endroits de haut, vu de haut, qu'on n'avait pas l'habitude. Ça fera peut-être, je sais pas, ça risque peut-être de casser un peu l'ancienneté de la chose. À mon avis, tu voleras pas directement au niveau 60. À mon avis, il faudra peut-être faire comme dans le Northrend, racheter quelque chose pour pouvoir voler en voilà. Azeroth. Monture par temps chaud. C'est comme pour tout, quand il y a une grosse amélioration qui est apportée, les gens disent oui, ça va tout nous changer. Bon, finalement, c'est clair qu'on va s'y faire et que les joueurs qui vont arriver à ce moment-là vont très bien s'y faire aussi. Mais il faut se dire aussi qu'effectivement, il y a des genres d'exploits qui vont disparaître, comme les gens qui arrivaient par exemple à monter sur la porte de Forgefer. Voilà, c'est dommage. Plus besoin d'exploits. Voilà. Et puis bon, le truc qui me dérange un petit peu, enfin, ça me dérange pas vraiment non plus, mais c'est que voilà, on verra plus l'ancien monde, quoi. Ce sera terminé. Ouais. C'est vrai que c'est d'être cloué au sol, quelque part, ça nous obligeait à nous déplacer en prêtant attention à tout et pas voler d'un point A à un point B et puis d'aller chercher à manger, quoi. Ben, moi, je trouve que c'est ça qui est exaltant, justement, le fait que le monde évolue, en fait. On a fait tellement de quêtes, on a modifié tellement de choses dans l'histoire, en théorie, enfin, par écrit, comme quoi ça changeait le monde, et on n'a rien vu directement en jeu. Et là, on verra vraiment les conséquences et les changements. Et je pense que là, ça va être vraiment intéressant, en fait. C'est vrai. Et c'est ça, c'est vraiment pour ça que ça s'appelle Cataclysme. C'est parce qu'il y a tellement de changements qui vont s'opérer, pas seulement les explosions qu'on a pu voir, les changements d'apparence, c'est que ça va vraiment être un gros changement dans le jeu en lui-même. Ah, tout à fait. Il y a aussi le fait qu'ils comptent mettre un peu plus de phasing. Donc le phasing, c'est ce qu'ils font à la couronne de glace, par exemple. On fait quelques quêtes et quand on fait certaines, enfin quand on finit une certaine suite de quêtes, bah, la zone elle change, on a des villages en plus ou des monstres en moins, des choses comme ça. Voilà, donc, ça intensifie un peu les zones. Ouais, ça apporte beaucoup de profondeur aussi, je pense, au jeu, et on sent une vraie évolution quand ce genre de choses, c'est vraiment très agréable. Ah, pour en revenir au truc, il y a aussi bon, bah, de... enfin, une, quelque chose d'assez important, bah, c'est l'ajout de nouvelles races. Oui, tout ça c'est le gros. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vu qu'on a quand même deux côtés factions Moi je suis bien content parce que pour une fois ce sera la Horde qui aura la race la plus moche. Ouais, moi je suis bien dégoûté parce qu'effectivement on se tape une race pourrie que je vais jamais jouer alors que ce sont les Worgen qui comptent limite double. Quoi. Vous allez avoir vos gnomes, les moi, gnomes de la Horde. Moi je trouve que c'est une grosse arnaque. Ah bah écoutez, vous avez vu les elfes de sang. Voilà. Plus beau que les Draenei. Nous on gagne les horreurs de PNJ commerçants et vous voilà, vous avez la grosse classe de loup-garou. Je trouve ça absolument injuste. Ah, ouais. C'est vrai qu'il va y avoir, je pense, une grosse vague de reroll côté Alliance. Il y a eu les Kiku Elf 200, il y aura les Kiku Worgen maintenant. Je me dis quand même, là, j'ai l'impression qu'ils vont amener le jeu à un niveau supérieur. Ça donne vraiment envie, quoi. Ouais, bah là, c'est ce que moi, j'imaginais déjà depuis pré-BC, que j'avais envie qu'ils fassent, et je pense que bah, mes prières ont été entendues par le grand Mike Morhaime et Chris Metzen. C'est que le monde change, qu'il y ait une évolution dans la Terre elle-même, je veux dire. Ah bah, surtout, la zone de Désolas, rien que l'idée de la changer, déjà, je leur dis merci. Alors, c'est pas tout, hein. Je pense qu'ils vont changer Désolas, mais c'est que certains, quoi. Mais justement, à ce sujet, j'ai une question. J'ai fait quelques MMO, et est-ce que vous, selon votre expérience, vous avez déjà vu un MMO, un éditeur de MMO, qui refait justement tout son ancien monde dans une future extension? Pour moi, je crois que c'est une des premières justement qu'ils font. Ouais. Oui, ça va être très novateur. Pour moi, c'est une des premières où je vois. Alors, peut-être que j'ai une connerie, hein, mais je crois que c'est une des premières où justement une boîte refait son ancien monde et fait évoluer le monde en fonction de ce qui s'est passé. Et ça, alors, je trouve que c'est vraiment exaltant. Si nous, on a vu quoi dans la bande-annonce, on a vu les changements énormes. Qu'est-ce qui nous dit qu'après tout, ça ne concerne pas que 5% du monde global, mais ce qui est évident, c'est que jusqu'ici, s'il y a seulement des morceaux de paysages qui ont été ajoutés, ils n'ont jamais été modifiés ou enlevés. Là, il y aura vraiment d'autres, je pense, beaucoup plus de ce qu'on a vu, je sais pas, par rapport à d'autres trucs. Mais c'est vrai que oui, c'est le premier qui fait ça. En même temps, c'est les seuls qui, je pense, ont cette sorte de monopole et les sous pour faire ça. Parce que d'autres, avant qu'ils puissent faire évoluer leur monde eux-mêmes, je pense qu'ils vont pouvoir attendre un moment. Quoi. Et puis, WoW, il a la chance de s'appuyer sur un véritable background, il ne sort pas de nulle part. Donc forcément, ce background évolue. Alors que dans d'autres MMORPG, le monde est là, voilà, t'as une petite historiette de 5 minutes pendant l'introduction qui t'explique. Donc on ne comprend pas après tout pourquoi ce monde changerait. Ouais, c'est peut-être vrai. C'est vrai qu'on est moins ancré dans l'histoire des autres MMO, en fait, effectivement. Oui, et puis bah, WoW a cette chose, c'est ce petit lien avec les joueurs, avec la communauté qui est quand même assez fort comparé à d'autres, d'autres jeux. Je pense que surtout ce qui fait sa force, c'est le fait qu'avant il y avait des jeux en solo que plus ou moins tout le monde a connu parce qu'ils ont fait des cartons phénoménaux. Warcraft 1, 2 et 3, c'était des cartons à chaque fois. Et je pense qu'il y a ça aussi qui fait beaucoup parce que les autres MMO qu'on a l'habitude de côtoyer, c'est juste le MMO qui annonce l'histoire. Alors que là, l'histoire, on l'a connue à travers les jeux en solo qu'on a déjà fait. Voilà, ouais. Et finalement, ça leur fait une super base sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour tout modifier. Ouais, tout à fait. Alors, et c'est pour ça que, d'ailleurs qu'à chaque fois qu'il y a une extension qui arrive, on est là, ah ouais, c'est super bien pensé. Ça ne vient pas de nulle part, quoi. Ils sont allés prendre là-dedans. Ouais, en même temps, ils ont vraiment les idées aussi. Hein. Ils ont le staff, hein, ils ont l'histoire, ils ont vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Alors voilà, bah, on espère que ça arrivera assez vite, quoi. J'ai pas envie que ça me gâche la surprise, moi j'ai hâte, mais en même temps j'ai vraiment envie qu'ils préparent ça, qu'ils nous donnent l'eau à la bouche, quoi. Ah bah là, l'eau à la bouche, on l'a déjà. Ah, j'attends les petites informations d'ici au compte-gouttes et tout. Ouais. Ouais, bah, déjà, savoir qu'est-ce qui va se passer au Royaume de l'Est, parce qu'il y a certaines rumeurs, alors je pense qu'il y a beaucoup qui ont dû le voir aussi. MMO Champion, avant la BlizzCon, ils avaient justement donné leur plus ou moins prédiction sur ce qui arriverait dans l'extension. Et les trois quarts des choses qu'ils ont dit, c'est vraiment arrivé. Et donc, je me demande si MMO Champion, c'est pas un gars de chez Blizzard qui tient ce c'est possible. Et il est interviewé par Patrick d'ailleurs dans Azeroth.fr. Et d'ailleurs, à ce sujet, une des prédictions qu'ils ont fait, c'était que South Shore, donc le contrefort de Outbrand, donc la ville humaine, donc au Streetwage, soit justement reprise par la Horde. À ce qui paraît, l'Alliance perdrait justement le cette zone en fait. Gros changement. Enfin, bon, c'est pas gros changement, mais il y a des choses comme ça qui vont se passer. Genre Orgrimmar, ils en ont pas encore parlé, mais beaucoup disent qu'il va être détruit. Oui. Et refait ailleurs. ce serait quelque part, ce serait terrible, ce serait affreux, puisqu'en plus, Orgrimmar, c'est vraiment une capitale historique. Tout à fait. Par contre, il y a une chose qu'on n'a pas discutée, et je pense qu'il serait peut-être intéressant. Vas-y, c'est quoi? La date de sortie de l'extension, nos prédictions, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, le patch 3.3 avec la citadelle de la couronne de glace, bah, ça va pas tarder à arriver, je pense que ça va arriver d'ici octobre-novembre. Mm-hmm. Peut-être qu'ils vont un peu le retarder jusqu'à décembre, peut-être pour faire un événement oh, Noël. Je pense, hein, pour faire Noël, oui. Mais après, ils ont dit qu'il n'y aurait plus rien après le 3.3. Il y aurait la prochaine extension. Donc si, le truc c'est que quand ils ont annoncé, par exemple, Wrath of the Lich King ou Burning Crusade, il s'est coulé un an et demi, deux ans entre l'annonce et la sortie. Là, ils ne peuvent pas nous laisser un an ou six mois sans rien. Je pense que Cataclysme, ce ne sera pas avant Passe-Noël, mais celui d'après. Ou alors, à la limite, peut-être la rentrée. Donc ça veut dire que pendant un an, il rien va se passer. Déjà, regarde ce qui s'est passé entre le patch 3.4 de Burning Crusade et la sortie de Wrath of the Lich King. Tout le monde... Non, mais la sortie de Wrath of the Lich King, je l'ai trouvée assez proche, enfin assez rapide par rapport à celle de Burning Crusade, mais je me rappelle que Burning Crusade, quand ils l'ont annoncé, on l'a attendu très très longtemps. Ben voilà, Wrath of the Lich King, pareil, on l'a attendu un an et demi. Ouais, moi ce que je dirais, c'est que si on regarde, il y a le côté technique et le côté intérieur du jeu. Le côté intérieur du jeu, c'est vrai que s'il n'y a plus rien qui suit, parce qu'ils ont quand même rajouté pas mal de choses entre le Colisée, il faut pas oublier qu'il va y avoir la citadelle de glace. Parce que voilà, ça va être quand même l'instance finale qui va être, je pense, quelque chose d'assez énorme d'après ce qu'on a vu. Hein, on a vu l'intérieur d'ailleurs à la BlizzCon, ça va être une grosse, grosse instance. Et je pense qu'avant que, on va dire que 50% des guildes mondiales finissent cette instance, il y a quand même un bon bout de temps. Hein. Voilà, considérant qu'il y a très peu de gens qui ont finalement mis les pieds et fini le plateau du Puits de Soleil avant que Wrath of the Lich King arrive, je pense que, comme dit Circle, ça va être pareil pour Cataclysme. Voilà. À savoir que Puits du Soleil, c'était un ajout, puisque la base de BC, c'était Illidan. Illidan, pas mal de monde a quand même réussi à le buter grâce au nerf, mais BT est resté plus d'un an. Un an et demi, ouais, même. Ouais, Burning Crusade est sorti en janvier, BT est sorti quelques mois plus tard. Donc bon, là, le temps qu'ils sortent la citadelle de glace, que les gens aient à la citadelle de glace, moi je m'étais dit, à la rigueur, ils pourraient sortir dans les mêmes dates Cataclysme, c'est-à-dire vers février, tout ça, mais non, parce que bah, si on regarde du côté technique, il va falloir que les gens puissent jouer à Citadelle de Glace. Vu qu'Arthas, c'est le boss de Wrath of the Lich King, ils vont, je pense, faire en sorte que les gens aient quand même le temps d'y arriver avant qu'il y ait une nouvelle extension. Le premier trimestre 2010, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Moi, je l'envisage au deuxième trimestre, mais je pense plutôt pour la rentrée. Mais le problème, c'est que deuxième trimestre, je pense pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que pendant les vacances, il y a beaucoup moins de monde qui joue. Ça tombe très mal le milieu d'année, donc pour moi, ce serait la rentrée ou Noël. Voilà, la rentrée de Noël, voire même le début 2011, parce que ça concorderait avec la fréquence des sorties d'extension. Ouais. Sachant qu'il y aura encore des bêtas, parce qu'il va falloir tester, parce que vu que c'est une énorme extension, il va falloir qu'ils la testent pendant un sacré bout de temps avant qu'elle soit fonctionnelle. S'ils sortent avant les vacances d'été 2010 pour satisfaire l'impatience des joueurs, je pense que ce sera un très mauvais calcul commercial. Voilà, et vu qu'ils sont pas mauvais en calculs commerciaux, je pense pas qu'ils le feront. Bah, de toute façon, ils ont jamais sorti une extension parce que les gens s'impatientaient. Ils l'ont sorti que quand eux, ils pensaient que c'était terminé. À 3.2, ils nous l'ont sorti ultra tôt. Là, je suis désolée. Ils nous ont dit, attention, bientôt on va sortir l'extension 3.2. Le jour où je pars en vacances, pouf! Qu'est-ce que je vois sur le truc L'extension vient de sortir, on pouvait la télécharger. Je fais... C'est vrai qu'entre Ulduar et 3.2, ça a été très très vite. Hein. Mais peut-être parce que justement le contenu était terminé. Ils nous ont dit on sait pas encore quand ça sort, on vous préviendra. Et puis pouf, du jour au lendemain, on peut la télécharger complètement. Bah, à mon avis, c'est qu'ils avaient terminé le boulot dessus et qu'ils l'ont sorti en fait. C'est pour ça. Eurotrog, pas assez, puisque beaucoup de gens se sont plaints qu'entre Naxxramas et Ulduar, il y a quand même eu quelques mois où les gens se sont fait royalement chier. Quoi. Mais c'était assez inattendu. Je veux dire, l'air de rien, même Joe Jeep a été surpris. Il a dit waouh, je viens d'apprendre à la dernière minute que l'extension vient de sortir. Alors, c'est quand même la première fois que l'éditeur nous fait ce coup-là. Ouais. Tant mieux. Mais là, pour dire, du coup, on avait... Enfin, personne... Dans un sens, en même temps, ils ont coupé l'herbe sous le pied à tous les gens qui pensaient spéculer sur la mage. Et je me dis, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont sorti tôt. Mais là, ils nous ont vraiment pris de court. Mais bon, pour en dire, donc, ce serait plutôt fin 2010, voire peut-être début 2011, un truc dans le genre. Patience, jeune aventurier. L'extension sortira quand elle sortira. Thank you. Alors dans cette partie instance, Ludo, tu vas nous parler de Marodon. Alors qu'est-ce que tu as à nous apprendre ? Alors ce qu'il faut savoir avec Marodon, c'est que l'instance ne faisait pas partie du jeu à la base. En fait, elle est arrivée avec le patch 1.2. Ah bah ça je sais, tiens. Ouais, effectivement. Donc Marodon, en fait, c'est une instance de 5 joueurs pour des niveaux de 40 à 52 et qui se trouve dans des Olas. Des Olas, déjà, pour y arriver, il faut s'ouvrir une veine parce que c'est la zone. La zone par défaut où si vous êtes dépressif ou si vous, je sais pas, si le jour même ça va pas trop, vous évitez à tout prix cette zone parce que vous êtes prêt à faire une tentative de suicide, je pense. L'instance de Marodon, en fait, est la tombe de Zaitar. Donc Zaitar, c'est l'un des deux fils du demi-dieu Cenarius. Donc Cenarius, qu'on a surtout entendu parler dans Warcraft 3, c'est la horde qui le tue. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Cenarius, il a deux fils, donc Zaitar et Remulos. Donc Remulos qu'on peut retrouver à Reflet de Lune. Alors, bien que Cenarius considérait en fait ses deux fils comme égaux, Zaitar avait toujours plus ou moins le sentiment que, qu'il était toujours comparé à son frère Remulos, et il sentait toujours laissé pour compte. Et en fait, on peut penser qu'il était plus ou moins jaloux de son frère, en fait, parce que Remulos était plutôt fort et séduisant, alors que lui était juste malin et assez chétif. Alors après que Remulos, son frère, ait donné la vie, Zaitar, étant donné que c'était un être assez têtu, il a été très vite rongé par la jalousie, en fait, et il s'est dit, je vais faire comme mon frère, et moi aussi, je vais procréer, et je vais assurer ma descendance. Donc il tomba amoureux de la princesse maléfique des éléments de terre qui se nomme Teradras. Donc Teradras, c'est le boss final de Marodon. C'est le genre de gros porc sur deux pattes qui marche et qui est absolument horrible. Donc déjà, il faut se dire comment il fait pour tomber amoureux de ce truc. Il devait vraiment être mort de faim. Et son père Cenarius savait pertinemment que leur union était impossible. Donc il essayait de raisonner son fils et de l'en dissuader. Mais Zaitar, étant donné qu'il était, il était assez obtus, il refusa de l'écouter et il tourna les talons donc, à son père et à tout son héritage en tant que gardien. Donc il rejoignit sa douce, enfin sa douce entre guillemets, parce que vu la tête qu'elle a, enfin ça bref. Sa gueuse. Ouais, sa gueuse plutôt. Donc de leur union naquirent des centaures difformes et furieux. Donc ces centaures, ils étaient maudits, donc et très haineux et très vite, en fait, ils se sont retournés contre leur propre père et le détruisirent. Et en fait, le détruisir simplement pour les avoir créés. Donc déjà, on sent un peu la folie dans la progéniture, on sent qu'ils sont assez gangrénés. Bon, la mère, elle n'y est pas pour rien non plus. Hein. Lorsque Zaitar est mort, et craignant la colère de Cenarius, donc sa femme, Teradras, meurtrie de peine et de chagrin, elle enferma en fait son cadavre dans son sanctuaire secret, qui s'appelle la caverne de cristal de Teramok, et elle veilla sur lui jusqu'à aujourd'hui. Et non seulement elle veilla sur lui, mais également elle utilisa en fait les énergies qui émanaient de l'esprit de Zaitar dans un but maléfique. Donc en gros, elle était triste que son mari soit mort, mais en même temps, elle exploitait ses énergies mystiques et son esprit pour justement faire le mal autour d'elle. Super, hein, le couple, hein, franchement, j'en vis beaucoup. Donc alors que la tombe de Zaitar aurait dû être un paradis plus ou moins luxuriant et béni par la nature, en réalité aujourd'hui c'est une tombe souillée, piétinée par les sabots de ses propres enfants qui ont justement élu domicile et ont réclamé ce lieu comme leur propre place forte. Alors justement quand on parcourt les tunnels souterrains, on rencontre une multitude de démons, d'esprits cruels, des caïns, ce sont des centaures morts depuis de longues années, mais il y a aussi les sbires élémentaires de la princesse Teradras. D'ailleurs, dans cette instance, on va croiser Celebras le Maudit, qu'on va affronter, et une fois qu'il meurt, son esprit va réapparaître, il s'appellera donc Celebras le Racheté. Et là, il va nous apprendre quelque chose d'intéressant, il va nous apprendre en fait que c'est le neveu de Zaitar, donc c'est le fils de Remulos, et il est venu dans la tombe afin de libérer l'esprit torturé et mettre fin à la corruption. Mais malheureusement, en fait, il avait mal calculé ses plans et la corruption était telle que lui aussi a sombré dans la folie et il est devenu hostile envers le monde, lui et ses dryades. On continue l'instance un peu plus loin et elle va se terminer par la mort de la princesse Teradras. Donc une fois tué, il y a l'esprit de Zaitar qui va apparaître. Il va alors nous demander d'apporter une graine à son frère Remulos qui se trouve à Reflet de Lune. Et cette graine, en fait, est un peu particulière parce que c'est la première graine qui s'est nourrie des restes de Zaitar et qui a donné la vie. L'esprit de Zaitar va nous dire qu'il préfère rester à Marodon et qu'en fait c'est désormais là qu'il demeure et ce sera son foyer. Donc nous on se dirige vers Reflet de Lune, on va terminer la quête devant Remulos et Remulos là nous dit qu'il est soulagé en fait de voir que son frère a enfin retrouvé plus ou moins la raison et qu'il a trouvé la paix. Et en fait, il n'est pas vraiment mort, son frère. Il a juste repris corps dans une autre existence et il nous dit qu'il a simplement fait ce que son devoir lui ordonnait. Donc quelque chose nous dit que, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Zaétar. Peut-être qu'on le retrouvera dans le rêve d'Emerald si un jour cette extension voit le jour, sinon je ne doute pas. Donc voilà pourquoi on est amené justement à aller dans Maraudon. En fait, c'est pour nous-mêmes achever ce qu'a commencé Celebras, mais qui n'a pas réussi parce qu'il s'est fait corrompre. Et donc c'est nous, braves héros d'Azeroth, qui allons justement purifier ce lieu et rendre sa beauté d'antan, enfin, telle qu'il aurait dû être. D'ailleurs, on le voit dans la première partie de l'instance, je ne sais pas si vous vous souvenez, Amandine et Circle, la première partie, c'est assez gangréné en fait, c'est plutôt des torrents d'eau corrompue, des démons, c'est assez sombre. Et la deuxième partie de l'instance, c'est plutôt, c'est un peu plus luxuriant, il y a un peu plus de nature, il y a un peu la grotte qui s'ouvre, on voit donc un peu le ciel, et ça fait un peu plus... Un peu comme quelque chose comme, je dirais, un lac souterrain avec de la mousse, etc. Autour. Voilà, exactement. Un peu des gorges entre deux montagnes. Avec, ouais. Mais c'est tout de suite plus sympathique parce que la mousse est plus verte. L'entrée, c'est très terre battue, mais de toute façon, on sent bien le sol foulé par les centaures, etc. À l'intérieur, les ennemis sont différents. Ouais, tout à fait. Ça commence par les centaures et ensuite, on enchaîne. Alors là, c'est vrai, ce qui est chiant d'entrer, parce qu'on l'a fait avec Circle, donc... il y a quelques temps. La première chose marquante, tu ouvres la porte du donjon, tu te bats contre quelques centaures, et là, d'un coup, tu arrives devant le sort cornélien, à gauche ou à droite, le passage violet ou le passage orange. Donc là, c'est grattage de tête, tu te dis, bon ben, je sais pas, le premier qui vient. Donc nous, on a commencé par le passage orange, hein, c'est ça, je crois, Circle ? Oui, c'était à droite. Et donc, dans le passage orange, c'était c'est plus tout ce qui est flagellant et des plantes. Alors, on est allé au niveau 60 et 62. On a failli crever comme des bouses sur les plantes, qui sont au niveau 46 ou 47. Ah, faut dire qu'elles bump et elles étourdissent et elles projettent. Elles n'arrêtent pas de renverser en fait. Ça fait que dès que tu veux un peu soigner, ben, tu peux pas. Quand tu es au milieu, ben, c'est l'horreur. Ah, donc faut imaginer ça au niveau donc, 40 et quelques. Ou même à 5, les packs variaient entre 3 plantes, je crois, 3 flagellants, et ça pouvait aller jusqu'à 5, voire 7 mobs, ouais. Ce qui devenait tout de suite bien difficile à gérer. Il fallait, je pense, un groupe bien monté. Quoi. Donc voilà, il y a eu aussi, comment ça s'appelait ? C'était un dégorgeur de lave, je crois, c'était un truc absolument horrible. Tu cliquais dessus, en fait, et ça se rétractait. On aurait dit un sphincter. Non, mais c'est vrai. Ouais, un gros colon, quoi. Ouais, c'est t'appuies dessus, ça se rétracte, et d'un coup, ça s'ouvre, et t'as une grosse larve qui sort. Mais c'est vraiment horrible ce truc. Et, dedans, on va retrouver différents boss. Alors, je sais pas si vous en rappelez. On a Noxicant, c'est un genre d'élémentaire d'eau, mais souillé, donc tout vert. Il lance du poison. Ce boss était très intéressant pour une chose, c'est qu'il dropait un item, un bijou, qui était le cœur de Noxicant. Et c'était très très pratique. Et je me souviens avoir eu ces objets pour aller dans des instances où on avait besoin de résistance nature, comme Ankirage par la suite. Très très pratique, car à l'utilisation de l'objet, ça annulait un effet de poison. Donc les deux objets étaient très pratiques, puisque deux annulations, et augmentaient, je crois, la résistance nature de 10 chacun, donc c'était pas mal. Ouais. Ensuite, il y a Tranchefouet, c'est une sorte de grosse plante. Bon là, il fait rien de particulier, je crois que c'était des dots physiques, hein, c'est ça, Circle ? Ouais, des dots s'accumulaient assez rapidement, et s'ils n'étaient pas discurves, commençait à faire assez mal au niveau 40-50. Après, il y avait aussi un démon, donc ça c'était donc dans la partie droite, donc dans le couloir orange, donc il y avait Noxicant et Tranchefouet. Si on passait dans le couloir violet, là on tombait donc du côté des démons, et on tombait donc sur le seigneur Villang, c'est une satyre. Lui, je crois qu'il était assez intéressant par de la maille pour les chasseurs ou les chamans d'amélioration. À noter qu'il y avait beaucoup de mailles dans ce donjon. Hein. Ouais, il y avait pas mal de mailles, donc les porteurs de mailles, je pense qu'ils devraient trouver leur compte. Donc en fait, après, les deux tunnels se rejoignent, et là, on tombe sur Celebras le maudit. Alors lui, Celebras, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il fait apparaître sans cesse, en fait, des dryades. Donc a priori, ce seraient les dryades qui l'ont accompagné avant qu'il ne sombre dans la corruption. Et dès qu'elles apparaissent, d'après ce qu'on a vu avec Circle, il faut tout de suite les tuer. Parce qu'elles réapparaissent en chaîne, et si on ne les tue pas, ben, ça se cumule, on en trouve 3, 6, 9, 12, et après c'est vite la mort du groupe. Ensuite, on va voir glissement de terrain. Alors glissement de terrain, c'est assez drôle parce que c'est un très grand colosse, c'est un gros élémentaire de terre en fait. Et lui fait des... En fait, il étourdit tout le groupe pendant environ, je crois, c'est 5 ou 6 secondes, ce qui est énorme parce qu'il tape assez fort. Alors après, j'ai remarqué qu'il y a un gobelin qu'on ne fait pas forcément, c'est le bricoleur Cadenas. Moi, souvent, quand j'ai fait en fait Marodon, on ne l'a jamais tué, je crois que c'est la première fois que je le voyais. Et a priori, il est intéressant pour les chasseurs parce qu'il lâche une très bonne arme à feu. Mais il est un peu perdu dans Marodon, donc il n'est pas vraiment sur le passage. Il est un petit passage, et d'ailleurs, bon, il appelle à l'aide des ZAD, ce qui peut surprendre parce qu'on s'y attend pas. Souvent, on peut croire que c'est un mob et on commence à lui taper dessus et hop, il appelle des ZAD qui viennent vous taper par derrière. Déjà, je comprends pas trop ce que fait un gobelin là-dedans aussi. C'est ce que je me disais. Il y en a bien à l'entrée des cavernes des lamentations, faut croire qu'ils aiment ça. Donc ensuite, il y a un gros crocodile, c'est Grip Charogne. Lui est intéressant parce qu'il lâche un très beau pantalon pour les prêtres, avec beaucoup d'esprit. Et je crois qu'il y a également un bouclier, si je me trompe pas. Et ensuite, on finit par la princesse Théradras. Donc là, vous pourrez admirer sa sublime beauté. Prévoyez la bassine pour vomir à côté, parce qu'elle est absolument immonde. D'ailleurs, j'ai fait remarquer à Circle que c'était très drôle qu'elle avait des genres de tongs comme les japonais. Oui, elle marche sur des tongs. Et en plus, je crois que son AOE qui nous bump lors du combat, on dirait vraiment qu'elle pète, quoi. Ouais. Elle flatule. Ça fait mal et en plus ça nous repousse tout le long en fait, ça arrête pas de nous repousser. Donc là il faut bien être au milieu je pense de la salle et pas trop sur les bords, sinon vous tombez tout en bas et vous êtes parti pour faire tout le grand tour de l'instance. Alors vous donc, Amandine, Circle, quel souvenir vous en gardez de cette instance? Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pas aimé justement là-dedans? Alors moi, bah, pour commencer, ce que j'ai pas trop aimé, j'ai pas fait souvent cette instance, j'ai dû la faire 3 fois à tout casser dans toute ma vie. Parce que déjà elle est un peu paumée dans une région que j'aime pas. Ouais, c'est clair. C'est assez difficile de monter un groupe pour cette instance. Bizarrement, je crois qu'elle intéresse pas grand monde. Le background est très sympa, mais l'instance en elle-même est un peu... Je sais pas, il y a quelque chose d'un peu repoussant, de pas très très varié. Bah en fait, ouais, c'est caverneux, c'est démoniaque, c'est plein de corruption. C'est vrai que c'est assez repoussant, quoi. Mais par contre, j'ai d'excellents souvenirs là-bas, parce que j'y étais allée en pick-up, en fait. Et j'y étais allée, je me souviens, avec 3 DPS corps à corps, je sais plus trop quoi. J'étais en soins et puis j'étais avec un démoniste et c'est là que j'ai rencontré en fait un super pote en la personne du démoniste. C'était face à des gelées, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, on s'en rappelle les gelées. Ouais. Parce que finalement, les boss ne nous ont jamais posé autant de problèmes que les gelées. Un gros problème avec elles, c'est que en fait, tout le monde se précipite dessus quand on connaît pas, quand on est un gros noob, parce qu'on n'a pas été prévenu. Donc éventuellement, c'est bien d'avoir avec soi quelqu'un qui a déjà fait Marodon quand il y va la première fois, parce que sinon tout le monde se rue dessus au corps à corps et en fait, on se fait laminer. Parce qu'au corps à corps, ils frappent extrêmement fort. Ils ont des auras de poison aussi. Par contre, elles se déplacent très lentement. Et donc, le truc, en fait, c'est d'essayer de les tuer le maximum de loin. Donc, forcément, tous les corps à corps sont tombés tout de suite. On n'avait plus de tank ni rien. On s'est retrouvés à 2 tissus. Et donc, en fait, on a fait du kicking pendant presque toute l'instance parce qu'on courait comme des malades pour ne pas se faire tuer en essayant de lancer quelques sorts par derrière pendant qu'on courait. Donc, c'est-à-dire, en fait, tout le groupe a attendu qu'on ait fini de tuer les gelées pour revenir au bout de 20 minutes. Mais je me rappelle à quel point c'était épique. Pour lui et moi, de tourner dans toute la salle en essayant d'éviter les gelées, enfin, c'était extrêmement poilant. Je vois pas d'instance où j'ai finalement autant rigolé, en fait. C'est vrai que généralement, les monstres qui se déplacent le plus lentement, c'est en fait qu'ils font énormément de dégâts au corps à corps. Ouais, on les retrouve à Naxxramas, et à chaque fois qu'on doit traverser, il y en a toujours au moins 2 sur 10 qui se font tuer. C'est vrai qu'à Marodon, faut y aller avec quelqu'un qui connaît, parce que c'est un labyrinthe. C'est l'horreur. Si tu sais pas où aller, ben en fait tu vas tourner pendant au moins une demi-heure dans le vide et tu vas revenir sans arrêt sur tes pas. Nous c'est ce qu'on a fait en fait. Pendant une demi-heure on a tourné, on savait même plus où on était. Et je crois que j'ai trouvé le chemin pour aller au boss à la fin sur un coup de chance en fait. Ouais. Il manque un peu des panneaux, tourner à gauche, tourner à droite. Pour le boss suivant c'est par ici. Bah pareil, pareil qu'Amandine, donc j'ai pas fait énormément de fois. Je l'ai refait au niveau 60 pour aller justement chercher ces cœurs de Noxicon. Qui était très pratique pour aller dans les instances résistance nature comme Enkirage. Par contre, moi je trouve que voilà, c'est grand, c'est long au niveau de base, c'est quoi, 40 quelque chose 40-52, comme ça. Ouais. Voilà, 40-52. C'est barbant, c'est rébarbatif parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de packs de mobs qu'on peut pas forcément éviter. Ça monte, ça descend, c'est un labyrinthe. Les boss sont assez éloignés les uns des autres. Bon, en même temps, on va dire que peut-être que c'était plus d'une vraie instance longue et dure. Pour ce qu'on pouvait y choper, alors que si on attendait un petit peu, on allait à BRD et on chopait mieux. Voilà quoi, c'était pas génial comme instance, j'en regarde pas un super souvenir. Enfin, moi aussi, c'est vrai que je l'ai pas fait souvent. Je me demande, c'est vrai que les 3/4 du temps pour monter un groupe, c'est très dur. Déjà, ceux qui vont à Marodon, tu dis c'est des suicidaires. Mais d'une part parce que c'est isolé, voilà, ça se passe en désolat, je crois que c'est une des zones les plus désertes du jeu, et je pense que pour l'occasion ils ont vraiment vraiment bien modélisé la zone parce qu'elle porte super bien son nom. Donc il se trouve dans cette zone où personne n'y va. Ensuite l'instance elle-même elle est vraiment pas intéressante parce que c'est chiant, c'est long, c'est que des trucs gangrénés. Ouais voilà, niveau équipement, ben, on attend limite quelques niveaux de plus et on a 100 fois mieux au bas du pic de Roche Noire. Moi non plus j'ai pas beaucoup aimé parce que c'est un peu trop gangréné pour moi. Et c'est vrai que niveau histoire, là je m'y suis penché dessus, je trouve que c'est intéressant. Mais dans le jeu il n'y a pas grand chose qui te dit d'aller en fait à Marodon, t'as pas de réelle raison. En fait la seule raison pour laquelle moi j'y suis allé, c'est qu'on m'a dit il faut absolument que tu vois la princesse. Et c'est oui. Vrai que j'ai pas été déçu du tout. Je crois que c'est pour ça qu'on y a traîné aussi là-bas la première fois. Je crois qu'effectivement, c'est la principale attraction de l'instance, c'est la princesse. Alors bon. Surtout si vous avez jamais vu la princesse, faut absolument que vous y alliez. Ah oui, c'est clair. Alors bon, on vous promet, pour le prochain épisode, on fera une instance souvenir qui nous a plu. Bon bah là, je crois qu'on a fait le tour de Marodon et on peut se lancer la tête la première dans la pierre de foyer. Pour la pierre de foyer de cet épisode-ci, j'aimerais vous parler de deux nouveaux podcasts qui ont rejoint la grande famille des podcasts francophones sur World of Warcraft. Alors le premier, ça fait un petit moment qu'il est déjà en ligne, donc qui s'appelle WoLife. Alors WoLife, ils en sont à leur deuxième épisode. Alors dans le premier épisode, ils revenaient en fait sur ce qu'ils avaient plus ou moins aimé dans l'extension Wrath of the Lich King. Ils donnent également des informations sur les fonctionnalités à venir et ce qu'ils aiment en dehors de WoW. Et dans le deuxième épisode, ils reviennent sur les add-ons et les interfaces personnalisées, les rerolls et les métiers. Et comme pour le premier épisode, ils vont discuter de ce qui va arriver dans WoW et ce qu'ils aiment bien en dehors de WoW. Donc c'est l'occasion de découvrir un nouveau podcast. Ils sont deux. Et donc c'est Tox et Slake, vos serviteurs. Alors je crois que c'est tous les... Alors ils ont planché au début pour une parution toutes les deux semaines, voire une fois par mois, ça va dépendre de l'actualité et de s'ils ont des choses à raconter. Le deuxième podcast dont j'aimerais vous parler s'appelle WoRP. Alors, il est un peu novateur dans le sens où il va plutôt être axé donc, sur le roleplay. Pour ce premier épisode, on va retrouver l'histoire de Van Cleef, une interview d'un maître de guilde RP. Comment faire pour bien se lancer dans le RP en fait, dès la création de son perso. Ils vont également nous parler de la donne Total RP et bien d'autres choses. Donc ils planchent également pour une parution mensuelle. Donc voilà, n'hésitez pas également à les écouter pour vous faire une petite idée sur dessus. Bien évidemment, les liens de ces deux podcasts, vous les retrouverez à la suite de la page spécialement dédiée aux podcasts francophones sur notre site. Donc c'est quand vous êtes sur la page d'accueil du site Wotaku. Sur la droite, vous avez un petit menu et là, il y a marqué les podcasts francophones. Donc là, vous retrouverez tous ceux dont on a parlé pendant l'épisode 4. Plus, c'est de nouveau avec leurs liens directement pour accéder à leur site. Voilà, donc n'hésitez pas à les écouter et à leur laisser un commentaire, ça leur fera sûrement plaisir. Mais Ludo, tu oublies de parler d'un autre podcast qui vient de sortir son premier épisode, qui n'est autre que le podcast Blistalk.fr. Ah oui, exact. Voilà, et c'est un podcast qui ne parlera pas uniquement de WoW, mais qui va s'attarder sur tout ce qui touche à Blizzard, hein, donc tous les jeux, Diablo, StarCraft, Warcraft et World of Warcraft, bien entendu. C'est un podcast qui a l'air assez ouvert, qui est animé par deux de nos collègues désormais, Danicella et Nand, si je cite bien leur nom. Et on leur souhaite également la bienvenue donc, dans la désormais grande famille des podcasts francophones, et on espère qu'ils iront loin. Et on attend de leurs nouvelles pour le prochain épisode. Ben Ludo, tu tombes bien en parlant des podcasts, parce que toujours en restant dans le domaine communautaire de World of Warcraft, on a juste à la fin de la BlizzCon appris une triste nouvelle, puisque, comme tu le nommais si bien, le papa des podcasts, du moins une partie, s'arrête s'arrête, c'est fini. Azeroth.fr ferme ses portes, du moins l'équipe Patrick, Dany et Nat arrête Azeroth.fr. Alors ouais, c'est plutôt une fin telle qu'on la connaît, on va dire qu'il n'est pas totalement terminé non plus, ils vont pas s'arrêter là. Voilà, en fait, donc Patrick de son côté nous a annoncé pourquoi, donc vu qu'il était entre guillemets l'instigateur du projet, il part chez Blizzard. Donc ben GG comme on dirait dans le jargon, hein. Bravo, espérons que tu te plairas dans ton nouveau travail. Oui, s'il y a deux postes de libre, peut-être pense à Circle moi. On veut voilà. Bien aussi, même s'il faut passer le balai, c'est pas grave. Hein. On veut non, bien venir aussi bosser chez Blizzard. Donc voilà, une petite pensée également pour Dany et Nat, donc qui, bah, par la force des choses, stoppent également. Mais Azeroth.fr, le podcast ne s'arrête pas là. Il va reprendre une seconde jeunesse, car deux fans de la première heure du podcast, en les noms de Seredwin et Magic Hommage, vont s'affairer à reprendre le flambeau. Donc on va leur souhaiter bon courage. On va ouais. Leur dire toujours dans le jargon GG parce que ben il faut en avoir et puis ben d'avoir été choisi c'est sympathique mais il faut aussi dire que je pense qu'ils doivent avoir quand même la pression parce que ben ils reprennent un très très gros dossier on va dire. Ben faut dire quoi ouais, ils reprennent donc toute la communauté d'Azeroth.fr et il faut dire que bon voilà c'est un peu un leader en termes de qualité de contenu donc ça doit pas vraiment être facile en fait de prendre le flambeau comme ça à la suite. Je leur souhaite bonne chance. Je l'ai fait sur Twitter. J'ai souhaité bonne chance à Seredwin en lui foutant un peu la pression quand même. Je suis méchant. Au passage, petit coup de pression, tu sais, une petite tape dans l'eau, tu vas la chier. Mais non, franchement, je leur souhaite bonne chance et j'espère de tout cœur qu'ils vont arriver à garder le même type de contenu. Puisque je pense que ça doit être dans les mieux informés par rapport à ça. Et si vous voulez passer sur leur forum pour leur souhaiter un bon départ ou alors un bon début pour ceux qui reprennent le flambeau. Mais bon, en tout cas, on leur souhaite une bonne chance et j'ai hâte d'écouter le prochain Azeroth.fr Made in Magic Hommage et Seredwin. Azeroth.fr 2, le retour. Plus fort que jamais. Il y a également pour la pierre d'Ophéus ce mois-ci, alors bien qu'il ne soit pas là, Brock, il y a toujours son fantôme qui traîne au-dessus de nous. Il nous a recommandé en fait une vidéo qui a été faite par Antera. Alors Antera, peut-être que certains la connaissent par la première vidéo qu'elle a réalisée sur un chevalier de la mort. Donc Antera nous revient pour une deuxième toile qui s'appelle Après la tempête. Donc c'est un style de peinture en acrylique. Elle met en scène donc un worgen et une petite elfe de la nuit. Donc Amandine, Circle, est-ce que vous avez vu la vidéo de votre côté? Oui. Oui. J'ai trouvé ça vraiment très très beau. Elle a tourné ça, en plus elle a une voix agréable avec une belle musique, on est vraiment dans l'ambiance de la peinture. Et oui, c'est vrai qu'en fait avec la musique, elle nous transporte vraiment à 20 000 lieues de là où on est. Et je trouve que la première comme la deuxième vidéo reflète vraiment un professionnalisme en fait dans la façon d'expliquer comment la voix qui est posée sur la vidéo qui explique comment elle fait et en même temps on la voit peindre, c'est vraiment magnifique. Ouais, j'oserais peut-être une petite comparaison avec enfin je trouve la toile en tout cas la deuxième par rapport au paysage qui est sublime. Bon oui bien sûr comme tu dis il y a la musique qui nous transporte mais à ce moment là j'oserais peut-être une comparaison avec un Monet parce que par rapport aux jeux de lumière du coucher de soleil qui sont magnifiques je dirais GG. C'est trop beau. Ouais c'est très joli, on voit bien en plus dans le détail avec un gros zoom les retouches sur un genou du Worgen, le soulignage noir, enfin, c'est peut-être un peu détail mais franchement bravo en tout cas et on attend bien entendu d'autres vidéos quoi. Donc n'hésitez pas à découvrir cette fabuleuse artiste Antera et donc les liens vers son site seront directement dans les notes de l'émission comme à notre habitude. Alors dans l'actualité autour de la communauté, il y a également le très célèbre NECA, donc c'est un movie maker français, qui a sorti une nouvelle vidéo, donc qui s'appelle In Memory Retribution. A priori ce serait la première d'une série, alors je sais pas s'il y aura deux ou trois vidéos derrière, mais en tout cas on sait qu'à la fin ce sera à suivre, parce qu'il y aura une suite, d'ailleurs on a un petit teaser très rapide de la prochaine vidéo. Et ça raconte en quelque sorte l'arrivée de la Horde et de l'Alliance en Orphandre. donc ils vont se rendre à Naxxramas et qui vont donc essayer justement de déjouer les plans de Kel'Thuzad. On vous donne en gros les grandes lignes parce qu'en fait on veut pas forcément trop rentrer dans les détails pour pas vous casser justement le plaisir de la découverte. Bon, on va justement pouvoir discuter entre nous. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Amandine, Circle ? Bon, honneur aux filles, Amandine. Ah bah, en tant que vidéo RP, c'est vraiment superbe. Je trouve que les musiques sont très bien choisies. Les voix collent parfaitement au personnage. Je suis pas très très fan par contre de l'affrontement incessant entre la Horde et l'Alliance. Je trouve que ça, c'est un petit peu prétexte à des combats filmés quand même. Mais sinon, c'est vraiment magnifique. Les musiques sont belles, les voix des morts-vivants sont pénétrantes. Elles ont bien été modifiées pour bien rendre. Il y a des cas qui parlent à un moment. Et on sent qu'ils vont vraiment faire un effort pour coller à fond aux voix qu'on trouve déjà dans le jeu. En plus, c'est très très bien animé. Et on voit d'ailleurs à certains moments de la vidéo des joueurs qui vaquent à leurs occupations derrière. Et ça fait d'autant plus vrai finalement. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis au niveau des voix, je m'en suis pas rendu compte la première fois que je l'ai vu. Mais c'est vrai que l'immersion est totale. Et il n'y a rien de choquant. Enfin, dans les voix, c'est vraiment tel qu'on les a dans le jeu. C'est vrai qu'ils les ont bien en fait modelé de façon à ce que ça colle à ce qu'on a l'habitude d'entendre en jeu, la voix des réprouvés et des chevaliers de la mort, effectivement, comme tu disais, Amandine. Et toi, Circle ? J'ai bien aimé le côté donc histoire et donc ouais, visuel, c'est très joli. Par contre, bon, moi, je vais peut-être être un petit peu plus critique sur le côté où ouais, c'est bien, ça parle d'une histoire et ça inclut pas mal de joueurs. J'adore ce côté où voilà, ils prennent des vrais joueurs, de vraies guildes. Voilà. Je dirais comme Amandine, le côté baston entre la Horde et l'Alliance, ça tape un peu sur le nerf au bout d'un moment. Le côté audio est très bien choisi. Par contre, voilà, je vais commencer un petit peu à critiquer au niveau du fait qu'il y a, pour rendre la vidéo beaucoup plus agréable, on va dire à la base, il a beaucoup abusé sur les filtres images. Je trouve qu'il y en a tout le temps, tout le temps. Les effets After Effects, voilà, c'est, on va dire que ça fait un peu l'overdose d'effets, et c'est le seul point où je dirais ça fait peut-être un peu le pas sur le côté histoire. Parce que si on regarde la vidéo, ça parle d'une histoire, c'est bien, mais une histoire qui pourrait être quasiment racontée beaucoup plus vite. Et ça m'envoie beaucoup de scènes avec des grosses prises de vue et justement les effets qui viennent un peu corroborer le tout. Puis ben bon, là, quand on est un compositeur, quand on se dit français, peut-être faire aussi une version parlée en français, ce serait sympa. Peut-être que je ne serais pas aussi bon rendu en français, je sais pas. Peut-être que c'est aussi son charme que ce soit en anglais comme ça. C'est vrai que je trouve les voix tellement belles que je suis même pas sûre qu'en français ça aurait autant de profondeur, quoi. J'étais un petit peu angoissée de voir que ça durait aussi longtemps, parce que généralement les machines images, je les supporte pas très très longtemps. Mais là, 40 minutes, c'est vraiment très joli. Je me suis dit, voilà, si le film de WoW il pouvait être aussi prenant, bah moi ça m'irait parfaitement. Bon, moi j'ai quand même donné mon avis, puisque personne ne le demande. J'ai beaucoup aimé, enfin, moi je serais. Moi je suis beaucoup moins, on va dire, tu me donnes ça, moi, à voir, je suis émerveillé du début à la fin. J'ai beaucoup aimé, il y a certains passages qui s'étaient filmés un peu bizarrement, dans le sens où la caméra tremblait beaucoup, surtout je parle au début, où on voit plusieurs trolls qui sont assis, qui discutent entre eux, la caméra a un peu trop tendance à trembler, ça donne limite un peu mal à la tête. C'est l'effet After Effects qui est un petit peu abusé dont je parlais, quoi. D'accord, mais c'est vrai que c'est très brillant au début tout ça. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que ça c'était... C'est bien du NECA, quoi. Je veux dire, c'est une vidéo encore. Il a encore repoussé ses limites, je trouve. C'est très, très, très agréable à regarder. Même si, effectivement, on est critique ou il y a certains trucs qu'on n'aime pas, ça reste, il faut le dire, quand même du haut niveau au niveau de la machinima. Et c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Et au niveau réalisation, je trouve qu'il y a énormément de boulot qui a été fait et ça se ressent quand même. Et c'est le genre de vidéo que je me lasserai jamais de voir. Alors, toujours dans la continuité de la pierre de foyer, nous avons réussi à obtenir l'interview d'une certaine personne de chez Blizzard. Alors, puisque c'est Circle qui nous a amené l'interview, je vais lui laisser vous la présenter. Je suis allé un petit peu au culot parce que j'ai eu l'honneur de pouvoir interviewer, malheureusement pas en audio parce que j'avais pas Skype à ce moment-là, mais par texte, quelqu'un qui est, on va dire, omniprésent, sans forcément qu'on le sache, dans le monde de World of Warcraft. Parce qu'il en fait pas mal de musique, c'est monsieur David Arkenstone, donc compositeur des célèbres musiques de taverne qui sont reprises dans énormément de podcasts d'ailleurs, et tout récemment les musiques du Colisée et du Tournoi d'Argent. Donc j'ai pu lui poser quelques petites questions auxquelles il a eu la très grande sympathie de répondre. Et en fait, pour voir cette interview, il faudra aller, faudra vous rendre sur le site de Wotaku, non pas le forum, mais bien le site. Et il y aura une page spéciale dédiée à cette interview que j'ai traduite en français et que j'ai laissée aussi en version originale en anglais pour que vous puissiez la lire. Est-ce qu'on peut donner un petit aperçu ou deux, trois trucs importants par rapport à l'interview ? Je sais pas, non ? On peut dire comme ça ? Bon, dans cette interview, on peut, dans les grandes lignes, apprendre comment il a débuté avec la musique, comment il a intégré l'équipe de World of Warcraft au niveau de la musique, comment il y travaille, donc sa façon de concevoir les musiques. On y apprend aussi par rapport à lui, donc ce qu'il fait et ce qu'il compte faire dans le futur. Notamment ses prochaines compositions, son prochain CD. Et aussi, il donne un petit conseil aux artistes en herbe qui aimeraient s'essayer à la composition à la composition musicale. Et voilà quoi, le reste, je pense que je vous laisse le lire sur le site. Donc, le lien direct vers l'interview se trouvera sur la partie droite du site, là où il y a le menu, et ça s'appellera Interview David Arkenstone. Et donc, on le remercie encore pour nous avoir accordé du temps. Et on est très, très honoré d'avoir pu avoir cette petite interview. Bon, et bien maintenant, c'est l'heure des hauts niveaux. Alors là, donc, on va enchaîner le dossier Theorycraft avec Denis Car. Et juste après, restez connectés, ne zappez surtout pas. On passe à la présentation de Bimba par Amandine. Alors, Denishkar, tu es là pour nous faire un petit dossier sur le Theorycraft. Tu veux nous parler de quoi exactement ? Alors, c'est très simple. Bon, pour commencer, la définition du Theorycraft, elle est basique. C'est transformer les mécanismes d'un jeu, bon, on prend WoW, parce qu'on y joue tous en ce moment, en un système, d'équations et de formules mathématiques. C'est ça, le Theorycraft. Oula. C'est en gros... appréhender le jeu d'un point de vue mathématique pour essayer de tout maîtriser. Donc, voilà. En fait, si je comprends bien, c'est pousser quand même à un niveau supérieur. Les recherches sur le jeu. Voilà, exactement. C'est quand même, des heures de boulot au final. Parfois complètement à blanc, complètement dans le vent, on va dire. Et parfois, ça débouche sur des découvertes intéressantes. Est-ce qu'il faut avoir Bac plus 12 pour comprendre le Theorycraft ? Non, Bac plus 14. ça me rassure. C'est pas le Bac qu'il faut avoir, c'est Geek plus 12. Ouais. Il faut quand même avoir des belles notions de mathématiques. De toute façon, ça, je vais pas en parler, parce que si je décris les formules, déjà, je vais endormir nos trois personnes ici présentes, et puis je vais aussi endormir les auditeurs. Et ça, je vais éviter quand même. Juste pour expliquer un peu, bon, le Theorycraft, le principe, il existe depuis, quasiment le début des jeux, hein. Soyons honnêtes, les gens qui essayaient d'optimiser leurs personnages, que ce soit même dans les jeux de rôle, par exemple. Ah, donc, avant les jeux vidéo, les jeux de rôle, ça existe depuis des années, ça existe depuis 20 ans, ça existe même depuis 30 ans. Donc bon, c'est pas une nouveauté inhérente à WoW. Par contre, le terme Theorycraft est relativement récent. Petite anecdote, il a été inventé évidemment sous StarCraft. Craft, hein, Theorycraft, bon. Voilà, le lien est fait. Donc StarCraft, ça a été continué sous War 3 et Diablo 2. Et on va dire que le principe de Theorycraft a complètement explosé avec WoW. Puisque WoW étant un jeu qui a finalement une population assez énorme, même si Diablo 2 et les autres jeux de stratégie se respectaient, WoW c'est quand même un niveau au-dessus, on va dire. Et donc, bon, j'ai dit que c'était des formules mathématiques, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Pour commencer, je vais parler de ce qu'il y a de plus simple, c'est un combat contre un monstre. Donc, jusque-là, c'est basique, on combat un monstre, on le tape, qu'on soit caster, qu'on soit cac. Bon. Jusque-là, ça va, on suit. Là, ça va. Même Hyler, il peut taper. Voilà, même Hyler, il a le droit de taper, à petit niveau, généralement, il le fait, vu qu'il a plus de mana. Par contre, tout de suite, je vous présente mes excuses parce que je vais utiliser, je pense, énormément de termes anglais, franglais. En plus, si jamais je parle de technique, je risque de les citer en anglais vu que je joue en anglais. à la base. Bon, on va essayer de faire la traduction alors. Donc ça c'est la première chose. Alors, donc on tape notre monstre. Alors, suivant le niveau du monstre, on a ce qu'on appelle des pénalités pour le toucher. Jusque là, tout le monde est d'accord. C'est pour ça qu'on a le toucher pour les cacs et pour les casters, qui a maintenant d'ailleurs été unifié depuis la sortie de la donne. Alors, je vais commencer quand même sur Burning Crusade. Donc, parce que parler du premier WoW, ça va pas être très intéressant, parce que il y avait quand même à ce moment-là des mécanismes un peu spéciaux et qui ont été complètement modifiés depuis. Alors que quand même, on va dire que la Croisade Ardente reste assez récente dans nos têtes, enfin tout du moins pour la plupart. Donc alors, je vais citer deux chiffres qui vont être assez simples à retenir. C'est par rapport à un boss donc de raid. Parce que, objectivement, tout ce qui est théoriecraft, à la base, est quand même fait pour le raid. On peut aussi en faire pour le PVP, mais disons que c'est vraiment fait pour le raid. Donc je pars du principe que tout se fait par rapport à un boss de raid. Donc technique, c'est les boss tête de mort, ce qui correspond en fait à un mob de niveau plus 3 par rapport à vous. C'est-à-dire que vous êtes 80, il est 83. Même s'il y a marqué la tête de mort, ça veut dire qu'il est 83. Voilà, donc le premier chiffre, c'est combien fallait-il de toucher en mêlée à l'époque de Burning Crusade ? Il en fallait 9, tout simplement. Pas de choses compliquées sur la mêlée, c'est 9. 9 quoi ? 9%, tu veux dire ? 9%, oui, bien sûr. Alors, pour les casters, il y avait déjà une petite nuance, donc c'était 16% à l'époque. Pourquoi 16% et pourquoi pas 17 comme certains se posent parce que ils connaissent le chiffre? Parce qu'en fait, à l'époque de Burning Crusade, on avait 1% incompressible de raté. Donc, on pouvait monter à 18, 19, 20. On avait toujours 1%. Donc, 16% était la limite. Alors, je vous dis 9% et 16%. Et pourtant, alors, pour toucher, donc, il y a ce qu'on appelle des lancers de dés, évidemment. Et c'est là que la première différence se fait entre, on va dire, la mêlée et la magie. À la mêlée, il y a un seul lancer de dés. C'est simple. Hein. Donc, il y a plein de paramètres pris en compte. Que je vais en parler de certains par la suite. Mais vous embêtez pas. Il n'y a pas à tout savoir. C'est pas le plus important. Dans ces paramètres, il y a évidemment les chances de critique, les chances de toucher que vous avez sur votre personnage et quelques autres choses dont je parlerai plus tard. Et hop, il y a un jet qui se fait. Suivant votre résultat au jet, vous ratez le mob ou vous le touchez. Ou vous faites un critique. Ça, c'est les coups en mêlée. Les sorts pour la magie, c'est différent. Il y a d'abord un premier lancer où vous touchez ou vous ratez le mob. Et puis ensuite un deuxième lancer pour déterminer si vous faites un critique. Ça a toujours été comme ça sur WoW. Et bon, c'est une différenciation. Moi, je n'ai pas forcément de raison de connaître. Il y a quelques paramètres qui peuvent l'expliquer, comme par exemple la résistance magie des boss. Déjà, cette histoire de deux lancers pour la magie et un lancer pour la mêlée, il fallait le savoir. C'est pas des choses qui se trouvent comme ça sur le forum de WoW, c'est des choses qui ont été trouvées à force de tests. Et donc après, des petites mises en formule mathématique. Et bon, ça permet de voir. Déjà, ça, c'est un premier fonctionnement qui permet de mieux comprendre certains comportements. Juste une chose, là, quand tu parles des sorts, donc tu parles uniquement des sorts offensifs, on parle pas des soins. Le soin, c'est qu'un seul jet de dés, par exemple. Ah oui, le soin, c'est. Critique ou pas ? Ou pas touché, ouais. Critique ou normal, ouais. Exactement. Et là, justement, tu disais en fait que vous avez en fait remarqué ça par rapport au Theorycraft, mais. Quel intérêt aux développeurs de ne pas communiquer sur ça, en fait ? Pourquoi est-ce qu'ils ne le disent pas ? Alors, ça, c'est la question que je me suis souvent posée, mais à mon avis, ils veulent que les gens trouvent par eux-mêmes les mécanismes pour, justement, que ce soit la communauté qui développe, on va dire, la façon de jouer des classes, la façon de vraiment comment on joue son personnage. Parce que s'ils commencent à communiquer sur tous les mécanismes du jeu, ils en font un petit peu, hein, mais sans plus, tu te retrouves avec Blizzard qui en fait explique que on fait 3 herbes de talent, mais il n'y a que celui-là qui est intéressant. Les autres, c'est pour la déco. Vous pouvez les jeter. Ou puis en même temps, si après dans le futur ils veulent faire des petites modifs sur des choses comme ça, au moins ils n'ont pas besoin à chaque fois de se justifier. Oui, déjà, ils ont pas vraiment besoin de se justifier, même s'ils le font quand ils font des modifications. J'en parlerai d'ailleurs plus tard sur un point particulier qui a été modifié justement avec l'arrivée de Lich King. D'accord. Voilà. Alors, bah, déjà, changement à partir de Lich King, qui a été vu grâce aux tests, mais pas vraiment là, c'est pas de la théorie, c'est vraiment les tests qui ont permis de le voir. Le cap touché des CAC a été baissé à 8%. Bon, ça c'était ça a été la première surprise parce que justement Blizzard n'avait rien dit. Et c'est à force de faire des tests, hop, on avait pièces touchées, on se met 8 ou on se met 9% au choix, bah qu'on s'est rendu compte qu'effectivement le cap était là et était pas au-dessus, était plus à 9%. Bon, tant mieux. Ça, pour nous, c'était pas mal. Et la nouvelle, pour les casters, c'est que le 1% incompressible a disparu. Donc, quand on est capé touché, on n'a plus de chance de rater le boss. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc, on se retrouve à 17% de touché maintenant pour les casters. Or, bien sûr, talent qui diminue les touchés, enfin le touché. Voilà, donc ça, c'était on va dire qu'il y a eu quand même sur le CAC en particulier, parce que sur les casters ça a été vite vu et que les gens se sont mis rapidement d'accord. Sur les CAC, pendant quand même 2-3 mois, il y a beaucoup de gens qui croyaient qu'on était encore à 9%. Bon, comme ça, on peut se dire ouais, enfin c'est 15% et tout, mais finalement quand tu cherches à optimiser ton personnage, bah ça joue pas mal, mine de rien. Ouais, tout à fait. Donc, alors, bon, là, je parle de toucher, et pourtant, bon, je suis capé touché, qu'est-ce qui se passe? Je fais mon coup, je le rate. Enfin, je le rate pas. Je suis derrière le boss, et je vois que le boss réussit à esquiver de derrière. Bon, déjà, il est hyper fort. C'est clair. il sent le coup venir, ouais. Il sent, et voilà, exactement. C'est le 7e sens, hein. Le 6e, c'est le 7e sens. Et donc ils arrivent à esquiver de derrière, et ils arrivent à esquiver en plus 10 coups en même temps. Là encore, chapeau. Donc, alors qu'est-ce que c'est ça? Bon. Bah t'as oublié d'équiper ta dague. Si seulement. Non, pour... On va dire qu'avec, justement, c'est arrivé juste après la sortie de la Croisade Ardente. Il y a eu... avant, il y avait ce qu'on appelait les talents d'armes. Bon, c'était quelque chose de vraiment foireux. Et qui faisait qu'on touchait justement, qu'on réduisait ses chances d'esquive. Et donc Blizzard a décidé de normaliser tout ça et a donc créé ce qu'on appelle l'expertise. Donc l'expertise, donc c'est la caractéristique qui permet d'éviter de se faire esquiver ou parer ses coups. Sachant qu'on ne peut se faire parer que quand on est devant le boss. Donc ça concerne que les tanks, sauf cas exceptionnel. Et justement, le Theorycraft. Ah, bien sûr, nouvelle carac, on va essayer de déterminer qu'est-ce que ça vaut. Donc il y a eu des heures et des heures et des heures de tests, et on a fini donc par trouver le chiffre magique. Donc pour les DPS CAC, les tanks c'est un peu autre chose, vu qu'ils sont devant et qu'ils sont parés, mais pour les DPS CAC, donc le chiffre magique, hors talent encore une fois, que le boss esquive 6,5% de vos coups. Donc 6,5%, c'est mathématique, ça a été prouvé... C'est vraiment un pouillème près le vrai chiffre. Et donc, pour les CAC, si vous voulez être capé, il faut 26 expertises, tout simplement. Et donc, quand t'as 26 expertises, t'es sûr de plus te faire esquiver ou parer? Voilà, enfin, parer non, justement. D'accord. Parer, le cap est beaucoup plus haut, et justement, il y a des questions comme quoi on n'arrive pas à le déterminer, parce qu'il faut vraiment un sacré paquet d'expertises. Il me semble qu'on parle de 15%. C'est ça qu'on appelle le hard cap, c'est ça? Exactement. 6,5 c'est le soft cap, 15% c'est le hard cap. D'accord, donc on part toujours du principe où on est toujours derrière le boss en fait quand on le tape. Voilà, mais ça je parle DPS exactement. D'accord. Donc ça c'est bon, ça a été. C'est des études qui ont permis de déterminer ça. Enfin, des études, c'est peut-être un grand mot quand même, mais. C'est des tests qui ont permis de déterminer ça. Et alors, bon, ça c'est le premier point. Alors la deuxième partie c'est sur le combat. On va commencer par les CAC. Alors, je touche le boss. D'ailleurs, même sur un mob normal, ça le fait. Je touche le boss. Un coup blanc, hein. Je parle d'un coup blanc. Je connais les dégâts de mon arme. Je sais à peu près quelle plage de dégâts je dois faire. Je tape. Tiens. Je tape vraiment en dessous de ce que je devrais taper. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ben, personnellement, je dois avouer que bon, je suis matheux à la base. Et j'avais remarqué ça, mais sur mon premier perso et au niveau 30, je m'en étais rendu compte parce que je commençais à être un peu étonné. vraiment, bon, à ce moment-là, j'avais des belles dagues avec mon petit voleur. Et j'arrive et puis je tape un mob quelconque et puis je me rends compte, tiens, c'est quand même étrange. J'ai vraiment moins mal que prévu. Bon. À ce moment-là, bon, je me suis dit, je vais quand même regarder ce qui se passe. Et effectivement, donc, bon, c'est un peu logique en même temps, mais donc nos amis, les monstres, les boss, ils ont de l'armure, tout simplement. Ouais. Voilà, c'est très simple. Et justement, alors, ils ont de l'armure, mais par exemple, je sais pas exactement pour Lich King, c'est vraiment moins important maintenant. Ça l'a été vraiment beaucoup, je trouve, à la Croisade Ardente. Enfin, la différence d'armure, on va dire. Et donc, lors de la Croisade Ardente, on se trouvait avec des boss qui, visiblement, avaient moins d'armure ou plus d'armure. Et donc, justement, avec des formules, vraiment là, avec des formules, par rapport à des coups blancs faits, par rapport à plein de choses, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement trois valeurs d'armure en raid. Typiquement, il y avait la valeur des boss d'Ijal, donc qui était à peu près autour de 6000 d'armure. Il y avait la valeur de certains boss du Temple Noir, qui était à peu près autour de 7500. Et il y avait la valeur d'armure de certains boss, pour ceux qui se rappellent, le saccageur du vide. Ah oui, À l'œil, exactement, l'œil de la tempête. Saccageur du vide qui avait, lui, 8000 d'armure, voire un petit peu plus. Et donc, qui pénalisait beaucoup plus les cacs. Et justement, en fait, bon, avec l'armure, sachant que l'armure des boss augmentait, Blizzard a ainsi introduit une nouvelle caractéristique qui s'appelle la pénétration d'armure. Et la pénétration d'armure, donc, c'est apparu... On a commencé à en voir sur les équipements de Zul'aman et aussi donc du Temple Noir et de Ijal. Et là, à ce moment-là, c'était de la pénétration d'armure, c'était assez simple, c'était un chiffre. Donc, vous ignorez 500 armures de votre adversaire. Donc, c'était facile à voir, pas grand-chose de compliqué. Donc, et par contre, forcément, comme c'était... c'était pas un pourcentage, bah ceux qui avaient moins d'armure étaient forcément beaucoup plus touchés. Donc par exemple à Ijal, c'était la fête des cacs. Les boss d'Ijal, c'était vraiment le massacre pour les cacs, parce qu'ils avaient pas d'armure et que généralement on avait quand même une partie d'ignorants armure. Donc tu faisais beaucoup plus de dégâts en fait tu touchais voilà. Beaucoup plus fort. Bah, tu tapais sur ton coup blanc, en fait, c'est l'impact de l'ignorant armure est vraiment visible sur tous tes coups. En rapport avec ton arme. Et ça se voit vraiment bien. Il y a, là encore une fois, des formules qui expliquent, parce que c'est pas en direct, mais qui expliquent comment ton armure influe vraiment sur tes dégâts, et qui, on va dire, ont été validées à force de tests, justement. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on était sur de l'armure, on va dire, donc en direct, donc un chiffre brut. Et justement, à 3.0, pour éviter, ça c'était vraiment plus par rapport au PVP où nos amis Antisus faisaient absolument massacrer en PVP avec l'ignorant armure, ils ont changé, donc ils ont plus mis des chiffres bruts, ils ont mis des pourcentages. Et de toute façon, ils ont en fait changé vraiment le système d'ignorant armure, et il a fallu donc à nouveau faire des recherches et faire des calculs, faire des tests pour voir maintenant le nouvel impact de l'ignorant armure, qui a été d'ailleurs augmenté très récemment. Dans la, je sais plus, la 3.1.4, un truc dans le genre, où il y a eu en fait une augmentation de 25% de l'effet de l'ignorant armure, et qui donc maintenant est une, on va dire, une caractéristique primordiale pour les classes faisant 60, 70%, 80% de leurs dégâts au CAC. Donc les voleurs, les guerriers et les chevaliers de la mort. Voilà. Et donc les paladins ça, et les chamans. Les paladins, justement. Les paladins moins, les chamans moins. Les chamans ont beaucoup de sorts dans leur. Ah oui, aussi. Et les paladins, oui, les paladins un peu plus, mais pas moins, à moins de proportion que les trois autres classes. Et par exemple, est-ce que pour un chasseur, c'est important l'ignorant armure? Parce que c'est... lui, ça peut particulier vu qu'il tire à l'arc. Oui, c'est important. Et, par exemple, en précision, vraiment la grosse majorité des dégâts physiques. D'accord. C'est moins vrai en survie et en maîtrise des bêtes. D'accord. Voilà, donc ça dépend. Mais c'est vrai que par exemple, on retrouve beaucoup de... Ben, moi, je raid régulièrement avec des chamis Amelio. Je vois qu'ils sont, eux, par contre, relativement dégoûtés de l'ignorant armure. Donc, le Theorycraft, j'ai envie de dire que, bon, ça, c'était l'explication sur le comportement dans le jeu. Alors, c'est le début du tunnel. Hein. Et d'ailleurs, franchement, justement, Vous pouvez aller voir sur WoWiki, sur Elitist Jerks, des pages et des pages et des pages de formules, de graphes. Parfois, j'ai même envie de dire que c'en est, c'est insensé quoi d'en faire à ce point-là. C'est un peu trop, on va dire, pour un jeu où après la différence, elle se fait pas ressentir énormément au total. Hein, je veux dire, au finish, c'est quelques pourcents de DPS ou d'effectifs DPS en plus. Quoi. Ouais, enfin, après, effectivement, sur certains points, c'est quelques pourcents. Mais quand t'accumules, tu te retrouves avec deux mecs qui ont à peu près le même équipement, qui ont a priori la même spé. Tu remarques qu'en fait, ils ont pas exactement les mêmes talents. Et puis, tu vas avoir une différence de 15%. Ouais, après, ça, c'est sur la barre de talent, ça, c'est une chose. Voilà. Après, au niveau des, bon, ça, je pense qu'il viendra. Je pensais aussi au niveau des macros par rapport, moi, j'ai vu, j'y allais pour les cycles DPS, par exemple. C'est vachement important, par rapport au temps des cooldowns, etc. Et ensuite, vu qu'ils changent à chaque fois, en plus, par rapport au SP, je pense qu'il y avait aussi ça, par rapport aux lignes, sur une ligne de temps, j'avais pour les chasseurs, il y avait vraiment tous les castes exactement quand les sortir, il y avait des macros pour ça. Je veux dire. Exactement, tout à fait. Et ça, justement, j'y viens un petit peu plus tard. J'arrive en fait au deuxième point là. Le deuxième point, c'est les arbres de talent. Les arbres de talent. Bon, alors, quand on commence à jouer, bon, on sait pas trop où mettre. On voit des talents qui sont, comment dire, très explicites. Bon. Hop, j'ai 15% de force en plus, c'est super, c'est magnifique. C'est forcément un talent à prendre quand on fait du DPS, ça me paraît logique. Mais il y a d'autres talents où on lit, et on est quand même perplexe vis-à-vis de la signification. Donc en fait, ces talents-là, il faut, on va dire, mesurer leur intérêt, et même carrément mesurer leur intérêt d'un point de vue palier. C'est-à-dire, par exemple, un talent qui a 3 points, on mesure l'impact de chaque point sur le DPS, par exemple. Je parle vraiment de DPS parce que c'est ce que je connais le mieux. Oula, d'accord. Donc là, on commence à aborder effectivement le point, on va dire, commence à être un point évolué, mais il faut bien comprendre que les arbres de talent qui sont joués par la grosse majorité des gens, c'est pas Blizzard qui les file. C'est pas, au fait, l'aspect destru, c'était 0,21,40 Burning Crusade pour les démos, on vous le dit pas, hein, mais bon, c'est complètement abusé. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est justement parce que des gens se prennent la tête avec ça, qui finissent par trouver des arbres de talent très optimisés, généralement d'ailleurs optimisés raid et parfois vraiment inutiles en instance. Ça arrive souvent. Et donc c'est, on va dire, donc entre guillemets quand même, grâce à eux que justement on a SP très particulière où en fait on peut à peine dévier de 1 ou 2 points et on se retrouve en fait avec 90% des gens dans 2-3 SP différentes qui sont les SP de la classe, point barre. Donc ça c'est un défaut parce qu'effectivement finalement t'as envie de jouer un peu ta classe comme tu veux, mais après si tu raides et que tu veux être performant en raid, malheureusement t'as pas tellement le choix, c'est ça le problème. C'est le fait de faire des talents avec des poids vraiment différents, tu te retrouves avec des trucs vraiment inutiles au final. Je vais prendre l'exemple du DK justement parce que c'est ce que je joue et que comme c'est une nouvelle classe, il y a eu à chaque patch des changements, on va dire radicaux. Ah ouais, ça a pas arrêté ça depuis la bêta, je suivais un peu les patch notes de la bêta, et ça commence à la bêta et là ça continue encore. Ah ouais, bah à la bêta de toute façon, je signale que la... Le Death Knight au départ, donc il a un système de runes, il a des runes de sang, des runes impies, des runes de givre. Et en fait, à la base, on aurait dû pouvoir modifier ça, genre mettre 5 runes de sang et une rune impie. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde pensait faire au départ. Ah oui, c'est ce qu'ils avaient dit, effectivement. Ouais. Et finalement, ils l'ont pas fait parce que tu te retrouves en fait à rendre des techniques complètement abusées. Ce qui était vrai, hein. On l'a vu d'ailleurs en bêta, moi j'ai été très tôt dans la bêta, ils jouaient pas énormément mais je faisais des petits tests de temps en temps. Il y a eu une période où sur la bêta justement, le chevalier de la mort était c'était inhumain. Il prenait 15 mobs en même temps, j'étais 58, je venais de débarquer sur la péninsule, donc bon, c'est pas très compliqué effectivement, mais je prenais 15 mobs en même temps, j'étais increvable. et les mobs mouraient aussi vite qu'avec mon démo qui était à ce moment-là lui full stuff T2 avec du ankirage et tout, et mon démo il ramait plus en comparaison. Donc alors que le Death Knight il était en bleu. Je pense que ça vient du fait que le DK était une classe quand même vachement différente des autres, puisqu'il y avait des dégâts de zone, je crois qu'il y avait même de la maladie, du dot de zone, du dégât physique, il y avait plein de trucs qui s'entremêlaient, donc je pense que le temps qu'ils harmonisent tout ça, vu qu'ils avaient quand même mis, ils ont quand même mis des années à faire ça pour les autres classes. Oui, justement, tout à fait. Ah oui, c'est clair, c'est que effectivement. Quand on voit l'évolution des autres classes en 4 ans, forcément le chevet de la mort part avec énormément de retard. Donc il y a beaucoup de boulot pour Blizzard. Effectivement, il y a eu des aberrations énormes sur le chevet de la mort pendant on va dire 3 mois, 3-4 mois. Il y avait deux spé vraiment complètement abusés en termes de DPS. Qui ont depuis été changés, ça c'est vrai, tant mieux. Quand même parce que ça donnait risible par rapport aux autres classes. Et donc voilà, ça c'est, ce sont des choses qui arrivent et tant mieux. Après, ben justement, comme il y a beaucoup de changements, la communauté, chevet de la mort, est hyper active. Ça permet donc à chaque patch d'être très très réactif et de voir des arbres de talents se dégager, même pas 3-4 jours après le patch. Déjà parce qu'ils ont été étudiés justement sur les serveurs de test, les PTR. Et aussi parce que bon, il y a quand même beaucoup beaucoup de gens qui jouent finalement Death Knight, même beaucoup beaucoup trop. Ce qui fait que tu te retrouves avec un niveau, c'est sûrement la classe où t'as un niveau le plus disparate. C'est-à-dire que t'as des très bons joueurs, mais alors vraiment tu as ce qu'on appelle l'abysse des joueurs, sans être chiant. Bah là, de toute façon, il suffit d'aller en Outre-Terre et tu crois que t'es DK pratiquement. Oui, bon, là c'est vrai. Hein. Moi j'ai monté mon Death Knight, j'ai fait toutes les quêtes de groupe avec 5 Death Knight justement sur la péninsule. Et c'était spécial, ça marchait bien, hein. C'était spécial. Et voilà. On se retrouve donc, par exemple, le dernier patch, la 3.2 qui vient d'arriver. On a vu, quelques modifications, enfin quelques nerfs d'ailleurs, on peut le dire, de deux compétences particulières, la frappe du fléau, la frappe de givre. Qui était effectivement absolument abusé en PVP. Là encore, c'est un point le PVP que j'aborde pas, parce que pour moi, Blizzard devrait faire la différenciation sur quasiment toutes les capacités entre PVP et PVE. En se maintenant sur des arbres communs, enfin, des techniques avec des effets communs, tu te limites forcément. Enfin bon, bah, ça c'est un autre point. Et donc, très vite, justement, à la 3.2, donc, même sur le serveur de test, on s'est rendu compte que la frappe du fléau, qui était une frappe absolument formidable pour la spécialité impie, est devenue complètement nulle. Et en fait, les calculs ont montré, par exemple, qu'une frappe qui est à la base faite pour l'aspect givre, donc c'est en fait la frappe anéantissement pour ceux qui jouent DK, bah, anéantissement, même sans ignore armure, est mieux que frappe du fléau de base. En changeant bien sûr son arbre, mais elle est vraiment mieux, tout simplement. Et donc ça, justement, les calculs ont permis de le montrer. Et c'est pareil sur d'autres points. Sur la frappe du fléau, donc sur la frappe de givre, qui était à la base la première frappe de l'aspect givre, et qui n'est plus maintenant la première frappe de l'aspect givre. Qui est utilisée encore, mais qui est tombée dans la ligne de priorité pour le chevet de la mort. Et donc avec la nouvelle extension, est apparue les glyphes. Et donc on a 3 glyphes majeurs, 3 glyphes mineurs. Autant les glyphes mineurs, ils n'ont pas un rôle primordial. C'est souvent des trucs utiles, qui nous allègent. Enfin, en tout cas, pour ce que j'en connais, c'est-à-dire qui nous permet de nous priver de compos pour faire une invocation. Voilà, ou de faire durer un buff un peu plus longtemps. Bon, c'est des petites choses. Je pense que le mineur c'est plutôt du truc fun en fait. Voilà, comme tu dis, c'est genre le truc fun, ouais. Voilà, genre tu peux transformer en pingouin, voilà, ou même le chasseur il va taper plus fort avec son pet que le contrôle. C'est des petits trucs fun en fait, ça apporte rien de plus, mais c'est juste voilà, c'est fun. Alors que les majeurs par contre effectivement ont un impact assez énorme sur le gameplay et sur les techniques. Hein. C'est même primordial. dans une spé. Il faut savoir justement utiliser les bons glyphes avec la bonne spé. Ah oui, bah c'est vraiment un match important. Certaines glyphes te modifient carrément, j'avais vu, complètement ton cycle DPS. Parce que certaines glyphes améliorent un tir quand il est casté avant un autre. Ce qui, pour moi, je me souviens, avait modifié totalement mon cycle DPS. Donc, ouais, après, ben, ça, quand on change de spé et qu'il faut faire toutes ces glyphes, c'est un peu la croix et la bannière. Ah oui, c'est vrai. Mais effectivement, donc, ouais, les glyphes, justement, on change beaucoup de choses. On se retrouve, par exemple, avec un glyphe. Donc, là, je prends encore un exemple du chevalier de la mort. Donc, on a, par exemple, un glyphe qui permet de rafraîchir, par exemple, les maladies posées, donc, avec à la base deux coups différents. Uniquement avec un sort, le glyphe de maladie, tout simplement. Donc en fait, à la base, donc, le Death Knight qui fonctionne avec des maladies pose avec une frappe impie et un toucher glacial, c'est deux maladies. Donc une maladie Jive, une maladie impie. Et à la base, ils doivent le rafraîchir avec ces deux mêmes sorts. Sauf que justement, donc, ce glyphe de maladie, on utilise Pestilence à la place, et hop, les deux maladies sont rafraîchies. Et effectivement, ça a un impact énorme sur le cycle, et ça le change radicalement, ça change l'arbre de talent, et généralement, bah, ceux qui l'utilisent dans une spé précise, la spé givre en l'occurrence, avec deux armes, bah, ont vu un impact énorme. Cet impact, justement, il a été calculé. Donc ça, en gros, le lien se fait par rapport au gameplay, où justement, donc, le cycle est déterminé, on va dire, sur beaucoup de classes, avec du Terrorcraft. En fait, j'en reviens au truc par rapport au gameplay personnel, et c'est là en plus où ça devient important. Si on est plus habitué à faire des raids 25 ou des raids ou des raids 10 ou des instances à 5, il faut modifier son gameplay, suivre un différent theory crafting parce que voilà, il y a le theory crafting que tu vas jouer en raid, une certaine façon de jouer, un certain type de Même des fois, il y en a qui changent leur glyphe par rapport à un raid 10 ou un raid 25, j'ai remarqué. Et ça devient vachement compliqué. Donc ça, je pense que si je pouvais juste dire une petite note, c'est, ça s'adresse quand même aux joueurs qui font du VHL de façon complètement très puissante. Parce qu'après, il y a, je pense que tu pourrais nous faire une petite partie pour les nuls aussi. Enfin, les nuls, pour les gens comme nous. Quoi. Le commun des mortels, ceux qui ont encore une vie. Il y a, quand même un moyen de jouer pas mal avec ses talents, dans le sens où t'as une certaine liberté de choix. Et bon, l'impact, en instance 5, il est quand même moindre, dans tous les cas. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, après, pour, un confort personnel, il faut juste connaître 2-3 chiffres clés. Objectivement. En fait, faut en arriver au point où on garde un plaisir à jouer. Exactement. Dire, on se dit, waouh, wow, putain, si jamais il y a un kiki qui est affiché, bon, il y en a qui courent après le kiki metteur, mais si y a un kiki affiché, on est quand même bien placé, au moins où là où on devrait être au minimum. Et en plus, on s'est fait plaisir, on a quand même gardé la sensation de jeu. Je pense qu'il ne faut pas se laisser déborder par le côté justement trop mathématique en jeu, parce que je reconnais qu'ils sont très, très theorycraft, c'est bien entendu, ça aide beaucoup. Je veux dire, des grandes guildes n'avancent pas sans ça. Mais. Il faut garder. Je les vois et j'ai l'impression qu'ils se font pas plaisir des fois, qu'ils s'énervent parce qu'il y a un petit truc en question de buff ou de choses comme ça qui joue pas. Et je pense que t'es d'accord avec moi, malgré que tu sois très théoricraft justement, qu'il faut quand même garder le sens plaisir du jeu. Je pense que objectivement, en raid, je m'éclate. Hein. Là-dessus, et justement, il faut à tout prix. Enfin, je veux dire, une fois que t'es dans le jeu, bon, après, si tu n'arrives pas à respecter à 100% ce que tu as établi en théorie, c'est des choses qui arrivent. Après, il y a le gameplay, le skill dans le DPS, et il y a le skill dans savoir faire son taf. Il y a le skill dans la tête aussi. Hein. Si sur un boss, le DPS moyen des classes à dégâts doit se situer aux alentours des 3000, et que le mec il est à peine à 3000, mais que derrière son taf est fait, qu'il ne fait pas de bêtises en raid, qu'il doit faire un kite, qu'il le fait bien. Voilà. Exactement. Après, pour justement revenir au gameplay, même si ça a été pas mal changé, mais il y avait à Burning Crusade, donc Croisade Ardente, pour le chasseur, t'avais la macro ultime en maîtrise de la bête. Ouf, ouais. Ah oui. Permettait d'optimiser tout, de pas faire de ce qu'on appelle de clipping au niveau de l'autoshot, et même d'activer aussi la colère de ton pet. Donc c'était tout un. T'avais en fait voilà, une. Voilà, ouais. T'avais voilà cast, enfin t'avais toute la je vais pas la réciter, mais t'avais voilà une macro quasiment monotouche où en fait ça te faisait tout faire. Et tant que t'avais pas bougé, donc ne pas stopper ton cast tir auto, bah t'avais le DPS max. Bah le pire c'est que tu fais ça pendant 4 heures toute une soirée quoi. Super le plaisir de jeu. Pour en revenir un peu plus sur le Theorycraft et le commun des mortels en quelque sorte, on va dire, alors pour un joueur lambda, on va dire qu'il n'est pas, enfin qui aime bien le haut niveau, mais qui n'aime pas non plus trop se prendre la tête avec le Theorycraft, mais juste en plus ou moins qu'on a de ses limites, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Bah déjà savoir son arbre de talent quand même, ça, même si t'as pas envie de t'emmerder, déjà en plus ça se trouve n'importe où maintenant. Donc bon, tu les trouves. Savoir en fait avoir un bon arbre de talent, pas trop con et juste assez cohérent, bon, c'est une bonne chose déjà. Connaître, j'ai vraiment envie de dire, le cap touché, bon, c'est rien à savoir et c'est indispensable. C'est sinon ça te fout en l'air tes cycles, tu auras tout, y a rien qui, et tu te retrouves à pouvoir rien faire en combat. C'est dommage quoi. Ne pas savoir ça, ça me paraît bon, aberrant, mais il faut le savoir. Bah, je dirais aussi que dans ce cas-là, le minimum, c'est de connaître le cap def, parce que je connais plein de tanks qui ne l'ont même pas. Oui, alors bah, c'est le cap touché en tant que DPS, en tant que tank, évidemment, le cap def, c'est obligatoire maintenant, je veux dire. Voir débarquer un mec, faire une créature, puis dire « Ah oui, j'ai 512 def, bah, il t'en manque 28, là. » Ah ouais. Bon, c'est juste pas gérable, c'est le minimum. Il y a ça, donc les arbres de talent, savoir utiliser les bonnes glyphes. Et après, j'ai quand même envie de dire, savoir un peu choisir son matos. Ouais, mais c'est franchement très très très intéressant. C'est hyper tôt, c'est quoi. Donc, par exemple, c'est ça qui, bah, si un jour vous avez envie tous les deux de voir vite fait Elitist Jerks, vous allez dessus et vous regardez et vous pleurez. Parce que là on tombe à un niveau un peu extrême. Donc voilà. Alors Amandine, pour ce mois-ci, tu vas nous parler d'un site très intéressant. Alors lequel est-ce? De quoi est-ce? Il s'agit du site Biimba. Alors Imba, qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que ça veut dire Imba? Alors, on pourrait croire que be imba, ça veut dire be imbattable, ce qui n'existe pas, mais on pourrait croire que ça veut dire être imbattable. Or, ça n'est pas du tout le cas, donc imba, c'est être imba, imba, en fait, c'est imbalanced, qui veut dire déséquilibré. Donc, c'est pas la peine de dire wouhou, je suis imba, parce que ça veut dire je suis déséquilibré, c'est pas tellement à votre avantage de dire ça. Et alors, pourquoi ça s'appelle comme ça? Ça s'appelle comme ça parce qu'il y a eu des classes qui, à certains patchs, ont été particulièrement EP. Je sais pas si vous vous rappelez, par exemple, que le voleur fut un temps en BG, c'était le paladin maintenant. Enfin, le paladin dick, bien sûr. Ouais, c'est-à-dire le paladin que, à 3.0 aussi. Voilà, on a eu de gros problèmes à certains patchs où on avait des classes qui étaient absolument imbattables, enfin, déséquilibrées dans le sens où elles étaient trop puissantes par rapport aux autres. Et donc, Biimba, ça reprend ce principe-là, c'est-à-dire que c'est pour voir si votre classe, votre personnage est déséquilibré. Alors, qu'est-ce qu'il fait, en fait? C'est un site qui fonctionne via une requête armurée. Alors c'est tout simple, à l'entrée vous avez trois champs, vous mettez si vous êtes sur un royaume américain ou un royaume européen, vous entrez le nom du royaume, le nom de votre personnage, vous lancez, et en fait il va chercher sur l'armurerie votre fiche de personnage. Alors donc vous lancez la requête, et si votre personnage est trouvable sur l'armurerie, donc c'est-à-dire attention, parce que si l'armurerie est en maintenance, vous ne pouvez pas utiliser Imba, mais vous pouvez le faire via le code source de votre fiche armurerie si vous le connaissez. Donc il vous sort toute une fiche, qui a été en plus, il n'y a pas longtemps, complétée, ils ont rajouté encore d'autres trucs. Alors à la base, il vous donne les résultats en anglais, vous dit par exemple vos enchantements, vos objets, vos gemmes, les bonus de certissage, si tout ça est correct par rapport à votre spécialisation. C'est-à-dire qu'il vous affiche donc que vous êtes tel personnage de tel royaume, vous êtes telle classe, telle spécialisation et tant de points dans votre arbre de talent. Ensuite, qu'est-ce qui ne va pas dans votre équipement? Donc il vous donne tous les objets de basse qualité, il vous les liste. Toutes les gemmes de basse qualité ou de moyenne qualité, ou les gemmes qui ne sont pas adaptées pour votre spécialisation. Si votre équipement est peu ou mal enchanté, et si vous avez loupé des bonus de certissage. Et tout ça, il le fait en fonction de ta classe et de ta spécialisation, c'est ça? Exactement. Alors, en théorie, attends, c'est encore à prendre avec des pincettes, parce que ça reste quand même un système précalculé, donc il n'est pas intelligent. Il fait d'après ce qu'on lui a dit de faire. D'accord. Donc, il y a une partie de talent, et il y a écrit depuis très très longtemps que c'est en cours de création. Donc, pour l'instant, il est incapable d'évaluer les talents, en fait. Il décide que vous êtes de telle spécialisation, parce que c'est là que vous avez mis le plus de points. Il n'est pas encore capable de dire si la façon dont on a géré son arbre de talent est optimale. Donc pour l'instant, il ne peut pas le vérifier. Apparemment, c'est en construction, mais c'est toujours pas apparu. Et depuis un an que je connais ce site, c'est toujours le cas. Mais c'est une évolution donc qu'il compte faire. Ouais, c'est intéressant quand même. C'est censé arriver, oui. Ok. Donc il est capable ensuite de vous montrer qu'est-ce qui ne va pas. C'est-à-dire que si vous cliquez sur la liste où il y a écrit, par exemple, que vous avez un enchantement mauvais, vous cliquez dessus, il vous dit lequel c'est, donc où il est, par exemple, sur vos bottes. Si vous cliquez ensuite sur l'enchantement, il vous dit lequel mettre à la place, lequel ou lesquels mettre à la place, qui est plus performant. Ou aller chercher par exemple les calligraphies, les arcanums, pour ceux qui ne connaissent pas par exemple leur réputation par cœur, savoir où est l'arcanum de défense, où est l'arcanum de puissance des sorts. Il vous dit tout de suite quelle réputation c'est, où aller le chercher. Bon, il vous dit pas combien ça coûte, mais en même temps il peut pas non plus tout faire. C'est quoi un arcanum ? L'arcanum, c'est le glyphe que... Enfin, le glyphe. C'est l'enchantement que tu peux acheter via réputation à mettre sur ta pièce de tête. Ah, d'accord. En juste, je connaissais plus ça sous le nom d'enchantement de tête, tout simplement. D'accord, ok. Voilà, un enchantement de tête. Disons que c'est, ça s'appelait arcanum chez les commerçants, donc finalement, j'ai pris ça comme ça. Très bien. Ensuite, il vous donne le détail des gemmes. Si vous cliquez sur la petite liste déroulante, vous savez exactement tout ce que vous apportent les gemmes que vous avez. Si vous avez loupé un bonus de certissage, par exemple, si vous mettez une bleue et que vous avez plus de 12 endures en la mettant, si à force de faire des recherches en vous disant « Tiens, en fait, je mettrais bien finalement de la hâte » et que vous avez enchanté en hâte et que vous avez loupé le bonus, vous n'en êtes pas aperçu, au moins vous le saurez sur Bimba. Ensuite, il y a une petite sous-catégorie combat. Alors là, c'est le plus pratique, qui vous dit par exemple où vous en êtes dans votre cap touché ou votre cap def, tous les caps. Donc là, par exemple, j'ai sous la fiche que j'ai sous les yeux, il y a écrit que le cap touché n'est pas atteint. Il est à 5,37%. Le cap étant à 8%, il me dit, par exemple, encore 87 points pour atteindre le cap. Donc ça veut dire qu'il faut trouver le moyen de rajouter 87 points en touché pour atteindre le cap. Il est capable de dire ça pour le toucher en mêlée, pour le toucher des sorts, pour la défense. Donc en fait, c'est extrêmement utile, si on ne connaît pas le principe du cap. Et ensuite, quand on connaît le principe du cap, pour savoir exactement de combien de points il faut augmenter pour arriver jusqu'au cap. Parce que sinon, c'est un peu hasardeux de faire, par exemple, des crafts de gemmes ou des enchantements, sachant que vous allez peut-être complètement dépasser le cap ou que vous allez être trop en dessous. Donc ça vous évite de faire des erreurs et de perdre du temps et de l'argent. Et ensuite, alors ça a été rajouté très récemment, c'est ce mois-ci, il me semble. Vous avez un petit sommaire. Bah avant, on avait des petites icônes avec la tête des boss, et c'était un petit peu merdouille, parce que dans un sens, tu savais pas exactement où t'étais vis-à-vis de ça, donc maintenant que t'as une frise, c'est très clair. Tout en bas de votre fiche, vous avez une frise qui représente en fait où vous en êtes dans l'équipement que vous pouvez obtenir en jeu. Donc c'est-à-dire que cette frise, elle commence dans l'équipement pré-raid, ensuite vous avez du T7 jusqu'au T9 et plus. Vous voyez en vert, c'est le stuff que vous pouvez récupérer, l'équipement que vous pouvez récupérer, qui est moins bien ou égal à celui que vous portez actuellement. En jaune, c'est ce qui est le plus accessible et optimal, et en orange, c'est ce qui est plus difficile à obtenir, mais qui vous apporte de gros bonus. Et alors, la toute dernière fonctionnalité qui a été ajoutée très récemment, c'est Raiding Activity, qui vous donne votre activité en raid. Donc, combien de boss vous avez tué en raid 10, et combien en raid 25. Et alors, bref, vous avez carrément des petits camemberts, des graphiques, qui vous montrent où vous en êtes dans votre progression raid 10, où vous en êtes dans votre progression raid 25, lesquels vous avez fait, par exemple des Malons, Ulduar, Naxxramas, ce que vous avez fait le plus, et même à droite, votre progression, donc Naxxramas 100% quand vous avez tué tous les boss, et Malons 67% quand vous en avez tué que deux, combien de fois vous y êtes retourné, où vous en êtes donc sur ces boss, et le nombre de fois où vous arrivez à tuer tous les boss à chaque fois que vous y allez. C'est très très complet en tout cas, visiblement. Enfin, ils sont complétés depuis le temps où j'y allais, où c'était déjà super bien pour connaître son KP, les pièces à changer, ce qui n'était pas bien enchanté, etc. Mais je trouve que là, ça devient fou, ça devient une énorme base de données, quoi. Ça a été extrêmement bien amélioré, oui. Bon, par là, contre, niveau design, le brun cacadois, là... Oui, en fait, c'est tout ce que je reproche au site, c'est que la couleur de fond est très très moche, ça aurait pu être beaucoup plus festif quand même. Enfin voilà. Bon, ça reste un site où tout est tout de suite accessible à première vue. On a même des petites icônes qui représentent toutes les pièces de votre équipement qui sont sur une ligne. Dès que vous passez la souris dessus, vous pouvez voir qu'est-ce que vous portiez actuellement, comment c'est enchanté, comment c'est gemmé. C'est pareil d'ailleurs pour la petite frise de l'équipement. Hein. Si vous passez la souris dessus, par exemple sur T8, vous voyez où est-ce que vous pouvez avoir l'équipement T8. Donc les hard mode du Lure 10, le Colisée à 10, et vous donne le niveau de l'objet. Sachant que depuis assez récemment, j'ai envie de dire, chaque objet a un niveau. Il faut savoir que les objets, par exemple, épiques qu'on drop dans les instances héroïques sont de niveau 200. Et que le T9, par exemple, est à partir du niveau 232. Le T8 est en 226, etc. Et que Imba, au final, vous donne une note, généralement autour de 500, qui correspond en fait au cumul de tous ces points que vous obtenez quand vous enchantez de façon optimale votre équipement, quand vous le gémez, etc. Et que votre équipement, donc forcément, rentre dans ces statistiques. C'est-à-dire que ça ne prend en compte que les personnages de niveau 80 pour pouvoir rentrer dans ces calculs. Et que ce score, en fait, s'améliore à chaque fois que vous prenez une pièce ou un enchantement ou une gemme de qualité supérieure. Le but étant forcément d'avoir le plus gros score possible. Ouais, c'est sûr qu'en même temps, ça sert à rien d'optimiser ton perso si t'es au niveau 63, parce que tu vas prendre des niveaux en plus, les stats elles vont changer et tu vas changer d'équipement. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça qu'avant Imba, il prenait en compte les personnages de niveau 70. Quand Wrath of the Lich King est arrivé, il ne prend plus que les personnages de niveau 80. Alors j'ai une petite question. Donc par exemple, moi j'ai mis ma chamane sur Bimba. Et je veux savoir en fait au niveau du score de toucher où j'en suis. Donc dans combat, j'ai low spell hit et valide melee hit. Et en fait, entre j'ai des pourcentages. Donc par exemple en melee, j'ai 8%. Plus petit que 16,91%. Plus petit que 28%. Donc c'est-à-dire que moi je suis entre les deux. Bah, c'est-à-dire que pour certaines statistiques, en fait, il y a un soft cap et un hard cap. Ouais, tout à fait. Et donc là, tu dois être exactement entre les deux caps. Donc le soft cap et hard cap, ça concerne que les personnages DPS. Et donc, effectivement, le soft cap concerne les coups jaunes, on va dire. Tout ce qui est critique, etc. Et les coups avec les techniques, en fait. Voilà, les techniques. Et le hard cap concerne les coups blancs et la mêlée, quoi. Donc forcément, l'idéal, c'est d'atteindre le hard cap, mais c'est quand même très difficile, parce que ça implique de mettre énormément de points là-dedans et moins ailleurs. Ouais, enfin, je pense que déjà, l'idéal, c'est d'atteindre ce qu'on appelle le soft cap, donc le premier déjà qui fait en sorte qu'on ne rate plus sur les techniques, et après, les coups jaunes, les coups blancs, limite abandonner l'idée, parce qu'il faut vraiment faire un focus sur ça, et si vous mettez trop en toucher, après, vous allez pénaliser d'autres statistiques, qui peuvent être la puissance d'attaque ou la puissance des sorts, et là, vous allez vraiment perdre en puissance. Le gros avantage avec Imba, c'est que même si on ne parle pas anglais, on comprend quand même ce qui est écrit. Low melee hit, low defense, etc. Tout ça, c'est facilement compréhensible. Quand vous voyez tant mort to cap, ça veut dire que vous devez rajouter tant de points dans la statistique qui vous fait défaut. Donc généralement, vous savez laquelle c'est. Sinon, en question de traduction, c'est très très simple. Vous allez sur Reverso ou sur le traducteur de Google, vous comprendrez tout de suite ce qui est écrit. Il n'y a pas besoin d'être vraiment bilingue pour comprendre ce site. Vous avez des options en plus si vous vous inscrivez, ce qui est pas du tout compliqué. Le gros avantage de Imba, c'est qu'on n'a pas de spam après. Donc on peut s'inscrire assez rapidement à chaque fois qu'on arrive, quand on demande une requête en fait. Les requêtes sont traitées en fonction du fait que vous soyez inscrit ou pas. Si vous êtes inscrit, c'est plus rapide et vous avez le droit à plus d'options. Donc en s'inscrivant, vous pouvez carrément faire des analyses de guildes ou de groupes. Ah bon. Donc même de groupes pick-up. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Donc la dernière fois, j'ai rentré un de mes personnages et deux amis. Et donc il nous sort à la suite la fiche détaillée de chaque personnage, l'historique des raids, etc., le score, tout. Et il nous met juste au-dessus, en premier, le graphique, la frise de chaque personnage, les unes au-dessus des autres, pour qu'on voit où est le milieu, le niveau moyen de chaque personnage où on peut récupérer de l'équipement. Donc c'est-à-dire que ça vous permet de voir si tous les gens de votre groupe d'instance, de votre raid par exemple, ont les mêmes objectifs au niveau de l'équipement. Si par exemple ils sont tous à un niveau de 450 au moins pour faire Ulduar, si tout le monde a besoin des mêmes objets ou s'il y en a qui sont beaucoup moins bien équipés, d'autres beaucoup mieux et qui pourront passer, etc. Donc en gros, vous pouvez faire un audit de votre raid ou de votre guild. C'est-à-dire tu fais ton groupe pick-up en jeu, par exemple, et ensuite tu viens là-dessus et tu testes? C'est tout simple. Si tu veux savoir si ton groupe marche, il suffit d'avoir les pseudos des personnages et tu les rentres à la suite, et hop, il te sort le freeze. D'accord, ok. Alors, on sait que pour les talents, ils sont en train de bosser dessus et qu'apparemment, ils sont censés nous pondre incessamment sous peu, un jour prochain, une évaluation des talents. Mais on attend toujours. Par contre, tout en haut du site, juste en dessous de Bimba, il y a écrit TBC, Time Machine Coming Soon. Ce qui veut dire qu'apparemment, TBC étant The Burning Crusade, on devrait pouvoir auditer des personnages de niveau 70 bientôt. Ah, ça, c'est bien. C'est pour ceux qui veulent évoluer ou ceux qui simplement n'ont pas l'extension Wrath of the Lich King. Ce qui est un peu bizarre, mais bon. Ben, oui. Rien à voir. Donc il reste à savoir si ce seront des personnages de niveau 70 qui seront analysés sous des critères niveau 70 Burning Crusade, ou si on pourra prendre en compte l'équipement qu'on obtient déjà de verre quand on arrive en Orfandre. Va savoir. Je sais pas quels seront les critères, mais c'est vrai que ça peut toujours être intéressant de pouvoir commencer à optimiser son personnage dès le niveau 70. Ouais, fait, au moins pour savoir plus ou moins les stats à privilégier, oui. Oui. Bah, disons que ça peut être pratique pour, ouais, quand tu, s'ils implémentent conseiller d'arbre de talent, ça t'évitera de respé 50 fois, quoi. C'est-à-dire que tu peux déjà mettre les points de talent du premier coup et pas devoir respé au niveau 80. Mais bon, c'est du petit détail, quoi. Je pense dans l'ensemble, il est déjà très très bien fait. Alors, petite parenthèse sur le score que vous affiche Imba, vous en avez toujours deux. Highest PV Gear Score et Current PV Gear Score. Donc, le premier, c'est le score le plus haut que vous ayez jamais atteint sur le site. Et le second, c'est votre score actuel. Pourquoi il y a deux statistiques ? Ben, c'est pour les gens qui ont deux spé. Ah. Comme ça, vous savez laquelle de vos spé est celle qui est la mieux équipée. Ah. Donc, ça veut dire que si les deux chiffres sont égaux, la spé dans laquelle vous venez de faire l'analyse est celle qui a l'équipement le plus haut. Donc, bien sûr, c'est un site d'évaluation de votre personnage. Et en tant que tel, on peut pas non plus... C'est à prendre avec des pincettes les résultats qu'il vous donne. C'est-à-dire que... Il est très content quand vous avez du stuff de très haut niveau, c'est évident. Mais si par exemple vous êtes pas la heal et que vous droppez un objet, on va dire au Colisée à 25 spétanque et que vous l'équipez, Imba sera très très content, il va vous faire grimper. Mais donc il faut savoir qu'avoir le meilleur score ne veut pas forcément dire avoir l'équipement le plus adapté. Ça peut arriver parfois que vous récupériez un objet qui va vous faire perdre un ou deux points sur Imba mais qui sera plus adapté à votre spé. Ouais. Disons que Bimba démarre là où le bon sens s'arrête. C'est-à-dire qu'il faut peut-être avoir quand même un peu de bon sens au départ, et ensuite, voilà. Oui, c'est comme tous les sites de ce genre, c'est vraiment un titre informatif. Voilà, il donne énormément d'informations, il est capable de vous dire quelle pièce d'équipement est plus haute qu'une autre, mais il peut pas non plus vous dire laquelle est la plus adaptée à votre spécialisation, ça c'est à vous de faire l'effort. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est bien pour se situer, où quand il nous dit voilà, les enchantements qui manquent, ceux qui sont... bons, ceux qui sont pas bons, les gemmes, etc. Ouais, je suis en train de voir là, certaines personnes dans ma guilde, c'est rigolo en fait. Tu vois tout en fait, t'as vraiment une visu et ouais, c'est bien. Ouais, là on a toutes les infos sur le personnage, mais il faut pas non plus privilégier à tel point le score sur Imba qu'on récupère n'importe quelle pièce qui est plus haute que la précédente, parce que gratter des points ne veut pas toujours dire avoir le meilleur équipement. Vous pouvez privilégier énormément une statistique et avoir tout le reste en déclin, et vous retrouver avec un super score sur Imba. Le score, limite, ouais, en fait, le score, ça va surtout se baser sur le e-level, en fait, sur le niveau de l'objet que vous allez avoir, et pas forcément sur sa vraie puissance par rapport à votre spécialisation. Exactement, donc il est peut-être moins adapté à votre spécialisation, mais en ayant un score plus haut, donc il faut faire preuve d'un peu de discernement, et c'est pas la peine de faire le kiki tout dur en disant « j'ai 175 sur Imba » si vous avez que des équipements qui sont pas pour votre spé. Puis bon, entre nous, je crois que le score, c'est vraiment l'information la moins utile. Oui, et puis après, il y a aussi le fait que, bon, c'est comme quand t'achètes une voiture. Si t'as une Porsche, mais que tu sais pas la conduire, c'est bien beau. Donc si sur Imba, t'as un score de 160, je sais pas combien, mais que t'as un skill pourri, bah voilà, quoi. C'est, voilà, mais ça, disons que ça peut aider ensuite, quoi, pour vraiment se mettre au aide, top niveau. Et c'est aussi une indication pour les gens qui cherchent absolument à être le premier du serveur. C'est quoi la différence entre proper enchant et accepted enchant? Proper enchant, se dire que c'est un bon enchantement, et accepted, se dire que c'est pas forcément le meilleur, mais c'est acceptable quand même. Alors normalement, les enchantements sont au nombre de 10, et si t'as 10 proper enchant, ça veut dire que tu es au maximum de ce que tu peux faire en enchantement. Accepted, ça veut dire qu'il le prend, mais que c'est pas le meilleur pour ta spécialisation, et improper, ça veut carrément dire que tu t'es loupé dans ton enchantement. Ça n'a aucun rapport avec ta spécialisation, d'accord. Tout à fait, sachant que le pire, bien sûr, c'est missing enchant, c'est quand tu as oublié d'enchanter ton objet. Donc pour finir, c'est un site qui est à prendre avec des pincettes, parce que bien sûr, il vous apprendra pas à vous équiper. Faut faire preuve d'un minimum de bon sens. Ouais, c'est un site qui va être à prendre en tant que supplément, quand tu joues déjà pas mal, etc., et puis que t'es assez avancé, pour te mettre au top niveau, quoi. C'est de chercher la perfection. Voilà, c'est en fait, une fois qu'on a une bonne base, c'est vrai que c'est bien d'aller sur Imba pour optimiser, et parce que maintenant, avec la frise, il est capable de vous dire où trouver des objets meilleurs, mais ensuite c'est à vous de faire l'effort de chercher les statistiques qui sont à privilégier et de ne pas prendre un objet parce qu'il vous fait gratter des points sur Imba. Ouais, et d'ailleurs, il se base sur du Theorycraft pour afficher toutes ces infos, je suppose. Exactement. C'est d'ailleurs pour faire suite à la chronique de Denishkar que j'ai choisi Imba ce mois-ci. À titre indicatif, sur Imba, quand on fait une requête, il prend le personnage tel qu'il était au moment de sa déconnexion. Donc faut aussi faire attention au fait que sa spé soit adéquate avec le stuff qu'il porte et qu'il n'ait pas, par exemple, son stuff RP. Auquel cas, tous les résultats sont forcément faussés. Eh bien, merci Amandine pour ces petits éclaircissements. Tout de suite, la partie coup de cœur du mois, et je sens que cette fois-ci, Circle a plein de choses à nous dire. Voilà. Bah oui, j'ai plein de trucs à vous dire. Parcourant pas mal la communauté ces derniers mois. Je connaissais déjà, mais je suis allé plus en profondeur dans deux podcasts qui ne touchent pas à WoW forcément. Donc le premier, ce sont nos amis de Scuds.tv. C'est un podcast vidéo qui traite un peu de tout ce qui est tout ce qui touche aux geeks en fait, les news sur la communauté, sur ce qui se passe un petit peu dans le monde audiovisuel. Je trouve très sympa de la façon dont c'est fait. Donc ils sont trois. Alors ce sont nos amis Arnaud alias Damouk, Philippe alias John Plisken, Jérôme alias The Old Cuban. Donc tous les trois ils font un podcast je trouve très détendu, j'aime bien. C'est sympa à regarder, ils rigolent bien, ils font pas dans la langue de bois, donc ça aussi ça me plaît bien. Leur site, je trouve, est très sympa. Il y a possibilité de faire ce qu'on appelle des ego trips, c'est-à-dire que les gens peuvent faire des petites vidéos d'une minute qui paraissent dans une liste sur leur coup de cœur également, qui paraissent sur le site Scuds. Il y a des débats et des votes qui sont lancés assez régulièrement. Moi je vous invite à aller visiter, c'est très très sympa. C'est vrai que j'ai découvert moi aussi Scott il y a un petit moment. Ils sont vraiment détendus en fait. Et donc devant la caméra, ils boivent, ils fument tranquille. C'est vraiment trois potes en train de discuter quoi. C'est comme si vous étiez à la maison quoi en quelque sorte. Voilà. Et oui, il y a des petits effets visuels. Il n'y en a pas énorme. C'est pas. On va dire, ils nous assènent pas d'effets. Donc c'est très sympa. Et donc un deuxième. Donc je me déporte donc sur un deuxième podcast, vidéo toujours, Zapcast.tv, qui est animé par deux collègues, qui sont Jérôme et Christophe. Donc Jérôme, c'est aussi un des co-animateurs de Scuds.tv. Et c'est un podcast vidéo qui parle d'autres podcasts. Donc très sympa. Ils en sont à l'épisode numéro 4. Ils ont pas mal d'extraits donc d'autres podcasts vidéo, de certaines vidéos qui chopent sur le net. Donc c'est bien pour se tenir au courant. Et on découvre pas mal de choses. Je crois que dans leur dernier épisode, j'ai découvert un clip d'un groupe coréen. Donc je tairai le nom parce que j'arrive pas à le prononcer. Qui est je trouve énormissime, donc voilà, c'est sympa d'avoir des gens qui font un peu les recherches pour nous, c'est sympa à regarder et ça passe tout à fait le temps. Donc je vous conseille d'aller faire un tour, ça leur fera plaisir je pense, et en attendant que les prochains épisodes de leur podcast, et on les salue bien. Donc voilà, pour moi c'est à peu près tout pour ce mois-ci, donc Ludo, t'avais quelque chose à nous faire partager ? Oui effectivement, j'aimerais vous parler en fait des dessins que fait un ami à moi, qui joue avec moi au World of Warcraft. J'ai découvert ça il y a peu de temps. C'est des dessins en fait qui dessinent à la palette graphique et qui est ensuite fait sous Photoshop, donc il fait les couleurs et tout ça. C'est plutôt un univers fantasy où vous pourrez retrouver dedans. Enfin, c'est des sculptures en fait très fines, très détaillées. Il y a énormément de détails dedans en fait si vous regardez bien. Il y a un sens du détail qui est hallucinant. Et c'est vraiment, si vous aimez tout ce qui est un peu fantasy, tout ce qui est un peu... Heroic fantasy, ouais, c'est quand même très heroic fantasy, mais je trouve qu'il y a un côté un peu... Cartoon, un peu ouais. Dofus, avec ouais. Des personnages... Exactement, surtout vers la fin, en fait, c'est tout à fait ça, ouais. Donc c'est plutôt un style heroic fantasy, avec quand même, comme le faisait remarquer Amandine, avec une pointe de... Un peu comme Dofus, ça fait un peu genre manga sur certains de ses dessins. Je vous le recommande vivement si vous aimez justement ce genre d'univers, parce que c'est un vrai régal pour les yeux et c'est un vrai moment de détente. Donc vous retrouverez directement le lien dans les notes de l'émission, et juste pour information, il s'appelle Oberon. Ok, merci. Bon alors les mecs, ça fait une semaine que je vous entends plus, est-ce que par hasard vous n'avez pas été lobotomisé par le salon du jeu vidéo ? Ouais, effectivement, on était au festival du jeu vidéo avec Circle. Bon, en fait on a profité, on a fait d'une pierre deux coups, on s'est fait une petite IRL entre couilles, comme on dirait. Circle, Brock et moi. Bon, et donc, vu qu'on était à Paris le même week-end, on s'est dit on va aller faire un petit tour au festival du jeu vidéo. Et donc, on y est allé dimanche. C'était relativement sympa, il y avait beaucoup de monde. Alors nous, heureusement, on est allé dimanche vers midi, on n'a pas fait beaucoup de queue. J'ai un collègue qui est allé samedi et lui, il a fait je sais pas combien d'heures de queue, c'était bondé. Et bon, déjà, ce qu'on a fait d'entrée, on a foncé au stand Ion. Bah oui, désolé. Qu'est-ce que vous avez à me dire, par exemple? Parce que moi, je connais pas Ion, j'en ai juste entendu parler. Alors, qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à WoW, par exemple? Non, ben brièvement, c'est vrai qu'en rentrant, du moment où tu fais la queue à l'intérieur, déjà, on a eu la tête qui s'est braquée sur le stand Ion qui était en vue. On a directement été là-bas pour voir. Il y avait une énorme foule de personnes. Franchement, c'est un jeu, on va dire, il y en a qui disent oui, c'est le futur WoW Killer. Moi, je dirais pas. Je dirais que c'est un jeu à première vue qui est différent, qui ressemble, mais en même temps, voilà, qui change un petit peu. Moi, je dis c'est bien de. Personnellement, moi, je vais jouer aux deux, quoi. Parce que voilà, ça, quand j'en aurai marre d'un, j'irai sur l'autre. Mais bien entendu, WoW garde toujours la première place dans mon cœur. Hein. Ça, c'est indétrônable. C'est mignon, mais c'est vrai. Et puis voilà, il y avait deux superbes demoiselles qui jouaient une Asmodienne et une Élyséenne, donc les deux factions. c'était un stand, un jeu en lancement. Donc bien entendu, il y avait beaucoup de monde. C'était fort sympathique, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait pas mal d'autres stands, de pas mal de distributeurs de jeux. Il y avait notamment deux personnages qui se baladaient un peu dans le salon du jeu vidéo. C'était Batman et le Joker. Et d'ailleurs, Ludo a fait l'amère expérience de vouloir les provoquer de par sa taille, parce que Ludo est très grand. Et il s'est fait étrangler par Batman, en fait. D'ailleurs, je ne me suis toujours pas lavé le cou depuis ce jour-là. Enfin, voilà. Sinon, on a eu le plaisir de rencontrer une autre demoiselle que toi, Amandine, qui elle aussi. Oh, c'est pas possible. Si. Qui elle aussi. D'ailleurs, on va te remplacer. Qui elle aussi participe donc à un podcast que vous connaissez certainement si vous nous écoutez, c'est bandedenoobs.com d'Iraen. Donc, qui nous a rejoint puisqu'elle nous a plutôt attendu au salon du jeu vidéo puisqu'elle était déjà là-bas depuis 2 jours, hein, donc elle a fait les 3 jours du salon du festival du jeu vidéo. Elle a campé quoi. Voilà, elle a campé sur place. Donc très sympathique. Ensuite, on a fait un petit after salon, after festival du jeu vidéo. On allait boire un café, on a un peu discuté, très très gentil. On mettra peut-être quelques petites photos si elle vous le permet sur le site. Voilà, je pense qu'on mettra en général peut-être un microfilm de notre pseudo reportage sur le terrain et quelques photos par rapport à ça. Par contre, le plus important, c'est qu'on a rencontré quelqu'un d'autre. Qui est, on va dire, assez cher à nos cœurs dans Wotaku. Et on a rencontré Brock, effectivement. Voilà, on a passé un très bon week-end, qu'il a eu la bonté de nous accueillir chez lui, parce qu'on était un peu. On comptait d'abord aller dormir sous les ponts, mais bon, il était sympa. En vrai, c'est quelqu'un d'aussi sympathique que dans le podcast, voire plus. Hein. On a bu des petits coups avec, on a eu quelques discussions de fin de soirée sur WoW et sur la communauté. D'ailleurs, je ne suis toujours pas remis de tout ce que j'ai bu en Coca Zero. Ah là là, ouais. Tu ne voulais pas te mettre au vin avec demain. Bon, au final, je pense que le festival du jeu vidéo était assez sympathique, il y avait pas mal de choses bien à voir. Tout aussi sympathique que le festival, ce n'est mieux pour moi, c'était la rencontre avec Diren. Je trouvais. Je me suis vraiment éclaté, enfin, on va dire, même si c'était pas vu, c'était crevé de ma journée, mais c'était vraiment sympa, j'ai trouvé. Et voilà, tout le week-end en général, je pense qu'on a passé un bon week-end. Ok, merci. Voilà, c'est la fin. Ouais. Et je sais, on est arrivé au terme de l'émission. Non, je suis désolée, on peut pas en rajouter plus. De toute façon, après, vous retrouvez le bêtisier. Et puis, on sera toujours là au mois prochain. Hein, les mecs? Bien sûr. Bon, alors, on va essayer d'être à l'heure. Hein. En même temps, ce que j'ai dit le mois dernier. Vous êtes plus à l'heure, on essaiera d'être au mois. Je crois qu'on va dire, on va essayer d'être là. Ouais. Voilà, on essaiera d'être toujours là. D'ailleurs, Ludo et moi, Amandine, pas pour l'instant, mais nous sommes sur Twitter. On a dit qu'on allait faire un peu comme tout le monde et nous mettre sur Twitter. Donc, de un, personnellement, je salue déjà la communauté Twitter qui nous suit. Donc, oui, toi, Ludo, tu as créé le Twitter du podcast Wotaku, c'est ça ? Alors, ouais, tout à fait. Donc, si vous voulez nous suivre sur Wotaku, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de news, hein, c'est juste quelques news comme ça. Donc, pod underscore Wotaku, W-O-W-T-A-K-U. Et voilà, donc vous pouvez vous rejoindre notre toute petite communauté pour l'instant. Ben, on espère qu'il y aura un peu plus de monde. Et ben, on essaiera de vous filer quelques infos là-dessus en complément du site. Et quelques petites anecdotes éventuellement si on en a. Voilà. Et bien entendu, ce sera dans les notes de l'émission. Tout à fait, Circle. Ouais, j'en profite vite fait pour passer un petit coucou personnel en fait à un ancien camarade de guild, enfin ancien, non toujours, mais disons que je joue moins, donc on a moins le temps de jouer ensemble. Donc je passe un petit coucou à Kieldar, c'est un petit rogue sur Dalaran, donc il se reconnaîtra. Voilà, je lui fais des gros bisous. Et voilà. Et ben sur ce, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Au mois prochain, salut à tous. Tu prends la capsule, j'ai l'été. Ah putain, j'ai... Da da da. Oh c'est mignon. Da da da. Oh c'est mignon. Bah disons que oui, pas... enfin oui, disons que oui. Disons que oui. Ah putain, j'ai couscous ce soir qui m'attend. Couscous oui. Da da da. Da da da. Vas-y, vas-y, comme la raille. Tatatouille. Tatatouille. Tatatouille. Tatatouille. C'est vous, parce qu'il nous faut un orchestre tous les deux. C'est magnifique. Da da da. Da da da. Bonjour Amandine et bienvenue sur Wotaku. Salut Luton. Eh ben moi je vous emmerde et je rentre à ma maison. Et alors aujourd'hui dans votre coucou. Mais merde. Da da da. Da da da. Bisous. Nous aussi. C'est ouais. Chou. Oui. C'est chou. Petit bisou. Moi aussi je t'aime. Je vous emmerde. Le Circle qui se moque pas moi. Or tes idées bah... de merde, tu te fais garder. Vas-y, enculé, comment tu me parles. C'est la tu me fâches, c'est ça. Non, non, Kevin, c'est moi. Attention, hein. Ta mère, Kevin, vas-y, c'est bon. C'est bien Chewbacca, non? Chewbacca. Vas-y. C'est bien difficile à gérer, il fallait je pense un groupe bien monté quoi. Ouais c'est clair, il faut être franc. Voilà j'étais sûr et je pensais que ce serait Ludo qui rigolerait, non c'est toi, bravo. Bon bah on enlèvera ça. Hein. Ouais oui. Si tu mets dans le bêtisier ou quoi, je te casse la gueule. Tu vois c'est ce genre de remarque qui me pousse à le faire. Ouais je suis pas rigolo moi. Je casse la gueule tu vois. J'avais un truc sur mon écran. Quand je passe le doigt dessus, ça fait un vieux bruit de prout. J'ai entendu. Ah. Heureusement que tu l'as dit. Dis donc, Amandine, ça va pas ? Tu voulais dire quelque chose sur le glissement de terrain ? Non, non, non. Moi, mes reins vont bien. J'ai pas de problème. Et il y a aussi un maraudant, le fameux sceptre de Celebras. Celebrate, come on. Voilà, tout à fait. En chanson en plus, hein, c'est tout fait à la voix. Parce que pour des raisons de budget, on ne pouvait pas mettre de chanson. Entièrement bruité à la bouche. Da da da, écoute, da da da. Da da da, écoute, da da da, I don't love you, you don't love me. Da da da. sur l'extrême. Da da da.